Crosby. Derrière à Aiguilla. Aiguilla vers Crosby. Salut! That's like, here's a shot. Henderson made a wild stab worth spell. Here's another shot. Fight by the door. Henderson. And scores the Canada. Alors donc, 4-4. Et là, l'attaque des Patriots sont quand même. C'est long et c'est capté. Julian Fairley fait jusqu'à la zone des buts. Touché pour le Rougeur. Et bon matin tout le monde, bon matin Trois-Rivières, bienvenue dans les conduits de partie. Et ce matin, on a, ce matin, un lendemain de Shop d'or, pour ceux, pour vous, vous étiez pas là hier? Non, moi, je travaillais. J'ai fait acte de présence déjà. Je dormais très tôt hier. Alors moi, j'ai fait acte de présence. Pour ceux qui savent pas ce qu'est la Shop d'or, c'est-à-dire tous les gens qui vont pas à l'UQTR, je vous explique le principe. La Shop d'or est à la fin du carnaval. D'ailleurs, c'était du pain de carnaval et... Félicitations à tous ceux qui ont participé. Hein? Oui. Je pense oui. qu'il y a eu beaucoup de plaisir. On a eu autant chez les participants que les organisateurs qui avaient l'air très satisfaits. D'ailleurs, je dois féliciter. Je sais qu'il y avait eu de la controverse au niveau du fait qu'il n'y avait plus de l'activité Pichet Tonto. Ouais. Qui était bon une activité de calage. On sait qu'au niveau de politiquement correct, ça passe moins bien le calage qu'il y a quelques années. On a remplacé ça par un tournoi de beer pong. C'était excellent. C'était comment c'était arrangé, comment ils ont placé la salle, c'était trippant. Beer pong qui est, imaginez un jeu de quilles, mais rempli de verre, et tu lances une balle de ping-pong pour aller chercher les points, dans le fond. En gros, faut que tu élimines tous les verres de l'adversaire. Et c'était très bien fait, mais hier, c'est ça, c'était la Shop d'or, donc, qui consiste à, pendant une heure, on boit le plus de bière possible, et une fois que l'heure est terminée, on se pitch de la bière dessus. C'est toujours un moment, là, c'est sûr qu'à la maison, les gens vont faire, c'est donc ben aberrant. C'est ridicule. Mais c'est toujours un moment très, très... Non, mais c'est pas d'allure. C'est un moment très libérateur, je dirais. C'est admissible. C'est vraiment agréable. Je peux pas croire que vous faites ça. C'est vraiment agréable. Non, ouais, c'est ça. Je pense que ce qui est le fun avec la Shop d'or, c'est que les gens mettent leur cerveau à off. Ah, tu peux pas faire plus, mais. Non, c'est ça, t'as pas le choix. Tu mets ton savoir off, tu t'amuses. Et donc, félicitations à tous ceux qui ont participé au carnaval. Je pense que l'équipe gagnante, si je me méprise pas, est bac en enseignement secondaire. Ouais. Donc, félicitations à eux. Ce matin à l'émission, on va parler des Patriotes, on va parler tennis. C'est rare qu'on parle de tennis. Marc-Antoine, tu vas nous parler de ça un peu? Oui, puis on vient tout juste de savoir qui s'affrontera en finale du côté des hommes. C'est le Australian Open cette fin de semaine. Cette fin de semaine depuis deux semaines, dans le fond. Là. Et Marc-Antoine va parler de ça. On va avoir Jonathan Bernier de ruefrontenac.com qui va se joindre à nous en deuxième demi-heure pour nous parler du Canadien. On va parler du match des Étoiles. On va parler aussi, Ligue d'hockey junior majeur du Québec, les Cataractes qui disputaient deux matchs dans les deux derniers jours, étaient en voyage en Abitibi, donc on va parler de ça. On va aussi parler, c'est le match des étoiles en fin de semaine, on va glisser un mot, plus qu'un mot même là-dessus, on va jouer à « Je suis un chef, tu es un chef, qui choisissons-nous? » On va faire nos propres équipes pour le match des étoiles, moi contre Philippe. Marc-Antoine à l'animation et donc on va voir qui va sortir dernier et on va pouvoir comparer nos choix par rapport aux vraies équipes qui vont être choisies ce soir. C'est sur les ondes de RDS, TSN qui vont diffuser ça. On en glissera on va en parler un petit peu plus et tantôt je veux dire et donc on va voir qui a eu le plus de succès dans ses choix. Mais on va tout d'abord aller en musique, on va aller écouter Hockey dans la rue, Bob Bissonnette, vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur C'est fou. carton. Tu sors les nets d'Henri, puis tu check les bâtons. À ce soir, on va jouer avec deux paires de bottelines, mais ça empêche pas ton chum de se prendre pour Pat la fontaine. Les sortes de Buffalo sont excités. Ils jouent contre les North Stars à l'étranger. On s'en va jouer dans rue ou à hockey. Chaque soir de la semaine, c'est la soirée. Bissonnette avec la chanson Hockey dans la rue qui, disons-le, beaucoup de souvenirs. Hein? Ah, ben oui. Ah, ben et oui. Même des souvenirs qui sont pas si loin. Ben. Pas très lointain quand même. Ça fait pas 20 ans que j'ai pas joué au hockey dans la rue. Non, ça fait 10 ans. Peut-être qu'on a. Oh arrêté, mon là. Dieu, Seigneur, t'es pas un vrai sportif. Ben là, je veux dire, j'ai 26 ans, là, 10 ans, j'avais 16 ans. À un moment donné, à 16 ans, qu'est-ce que tu découvres? La bière, les femmes, puis permis de conduire. À ce moment-là où tu continues de jouer au hockey. Tu peux aller plus loin, tu peux veiller plus longtemps, puis tu peux avoir des spectatrices. Ben oui, parce que jouer dans la rue, si les filles, ce qu'ils aimaient, les petites filles, c'était bien jouer dans la rue. Là. Me regarder jouer au hockey dans la rue pendant qu'il faisait froid. Là. On s'entend que les filles faisaient d'autres choses. Les petites filles de la Rive-Sud. Ah, ben écoute, Rive-Sud pas à peu près, hein? Rive-Sud de Montréal, et non pas Rive-Sud de Trois-Rivières. On va y aller. C'est quoi ça? Ben je veux dire... Mais je viens pas de Trois-Rivières. Non, mais je parle de la Rive-Sud, toi. T'as connu Bécancour? Ben, oui, mais j'allais l'école. Donc, ça, allons-y avec... Ouais. Tant de... Oh, zéro discipline. Hey, on y va avec les Patriotes. On va parler des activités des Pats lors de la dernière semaine. Ben, à vrai dire, il n'y a pas eu de match. On n'a pas disputé de match cette semaine du côté des Pats. Par contre, il y a plusieurs nouvelles. Ce soir, ben écoutez, je vais vous dire l'horaire là, parce que c'est plusieurs matchs qui s'arrivent en fin de semaine. Tout d'abord, ce soir, du côté de Ottawa, les Pats vont affronter les Ravens de Carleton. Les Ravens qui occupent présentement le quatrième rang de la division avec 3 points de retard sur les Patriots et les Lakers de Nipissing, qui sont en troisième position, bien sûr. Le dernier match à Trois-Rivières entre les Ravens ont subi un revers de 3-2 qui s'était terminé, écoutez, à la dernière seconde, un but à 19-59 de la troisième période. Un but de... Oh, j'essaie de me souvenir, c'était qui? Pierre-Luc Lessard. Pierre-Luc Lessard qui avait compté un but et on avait explosé du côté des Patriots. Beaucoup de célébrations. Qui faut regarder du côté des Ravens? Premièrement, je vous dirais Brandon McLean, le numéro 7 de Carlton. 34 points lors des derniers 22 matchs, les 22 matchs de la saison. Il y a aussi son coéquipier Joey Manley avec 30 points en 22 matchs. Ça va être les deux joueurs à surveiller du côté des Ravens. Le match, je vous dis ça sous toute réserve, mais il me semble que oui, là, je vais aller vérifier, est diffusé sur ssncanada.net. Écoutez, écrivez SSN Canada tout simplement là sur Google, là, faites-vous pas le trouble de chercher, et justement le match est diffusé là, vous allez pouvoir écouter ça .ca. .ca, donc au complet c'est SSNCanada.ca. SSNCanada.ca d'un trait. Bon ben merci beaucoup. Ça c'est ce soir. Demain soir, les Patriots affrontent les GGs d'Ottawa. Les GGs, c'est la troisième fois qu'on les affronte à peu près autant de semaines. On a quatre matchs à disputer depuis le retour de Noël. On dispute quatre matchs contre les GGs qu'on n'avait pas rencontrés en premier début de saison. Le premier match, le premier affrontement, c'était soldé par une humiliante défaite de 6-1 par les Patriots ici même à Trois-Rivières. Par contre, on s'est repris la semaine dernière où est-ce qu'on l'a emporté 6-2. Vincent Lamontagne avait été dans le filet et... À moins un changement d'opinion de la part de Jacques Laporte, mais comme on disait lundi, il m'avait confirmé que Vincent Lamontagne serait dans les filets du côté des GGs. Donc, ça va être à suivre samedi soir. Je crois aussi que la partie est sur SSN Canada. Cool, là. C'est le fun de la part de SSN de pouvoir regarder nos pattes à distance comme ça. Ben, c'est pas SSN, non, on s'entend, là, c'est l'Université d'Ottawa et l'Université Carleton qui vont venir diffuser ces matchs-là, qui font l'effort de les diffuser, mais c'est le fun pour nous de pouvoir regarder ça. Plusieurs absences du côté d'Ottawa. Bon, du côté des Patriots, on a Francis Charland qui est absent. Je vous en reparle tantôt. Il est présentement aux Universiades. Du côté d'Ottawa, entre autres, Dominique Jalbert et Mathieu Méthode, deux excellents joueurs, qui sont aussi absents, partis aux Universiades. Donc, c'est les deux matchs des Patriots pour la fin de semaine. Je vous parle du top 10, mais boy, la petite voix vient de... Dur carnaval. Dur carnaval, ça merci. Ressemblait à ça, ton secondaire, toi. Ah oh non, mon secondaire, c'était triste. Ah ouais? Tu sais, j'ai une... Non. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On veut pas le savoir. Non, je laisse. Alors, je continue avec ça. Le top 10 masculin est sorti. UNB, Université du Nouveau-Brunswick, toujours première. McGill, deuxième. Western Ontario, troisième. Et l'Alberta, quatrième. L'Alberta qui perd encore une place, qui est maintenant au quatrième rang, avec leur fiche de 13 victoires, 5 défaites et 2 nuls. Du côté des Patriots, on n'est pas classé dans le top 10, ce qui est très rare là, cette année. Pas cette année, mais à travers les années. On a reçu quelques votes du côté des Patriots, on en a reçu 10. Par contre, ça en aurait pris 21 pour se classer. Donc, on est en dehors. Je vous parlais tantôt de Francis Charland. Je disais qu'il était aux Universiades. Donc, hier... dans ce match, écoute, pas de félicitations à faire au site des Universiades qui sont disputées en Turquie présentement. Le sommaire du match est absolument incomplet. Donc, on m'a dit, selon mes informations, hier soir, heure de Turquie, le Canada l'a emporté 9-0 contre la Slovaquie. Donc, grosse victoire. Par contre, je peux pas vous dire qui a compté les buts, là. Je les ai pas devant moi. J'aimerais ça vous dire si Charland a eu des bons résultats, mais malheureusement... Je n'ai pas l'information, donc désolé, mais on vous tient au courant lundi. Lundi, là, j'espère, j'ose espérer qu'on va avoir mis ça un petit peu mieux là, du côté des Universiades qui sont disputées à Erzurum, en Turquie. Donc, c'est ce qui conclut le hockey. Allons-y avec le soccer. Du côté du soccer, les femmes et les hommes disputent un match en fin de semaine. Saison du soccer intérieur, bien sûr, parce que dehors, c'est froid présentement. Les deux équipes affrontent les Carabins de l'Université de Montréal. C'est au Centre sportif Marie-Victorin. Chez les filles occupent présentement la première position du classement de la Ligue universitaire du Québec. C'est la Ils ont deux victoires depuis le début de la saison, ce qui font qu'ils occupent le premier rang. Ils vont être gonflés à bloc. Ils vont visiter l'attaquante Jessica Lavallée tentera de poursuivre sa production offensive avec deux. Elle a eu deux buts à son actif à l'auteur de rencontre, deux buts victorieux. Donc vraiment, on va avoir un bon test là, contre les Carabins. Chez les hommes. On a une victoire à date. On a affronté l'Impact, l'Académie de l'Impact plutôt lors du premier match. Donc toujours, on est bien classé. On est au troisième rang, mais on a un match de moins au niveau du classement. Donc vraiment, les Patriotes, ça va être. On est très fiers du côté de la tenue du gardien Philippe Gendron, qui démontre clairement qu'il est complètement rétabli de sa blessure qu'il avait subie l'automne dernier. Messieurs, je vous parle du Patriote de la semaine. C'est en lien avec les matchs qui ont été disputés lors de la fin de semaine dernière. C'est Geoffroy Jouvin, la recrue de l'équipe de soccer, qui mérite le titre de Patriote de la semaine en vertu de sa solide performance au poste d'arrière central dans une victoire par blanchissage au compte de 1-0 contre les Citadins de l'UQAM. C'est lui qui a marqué le seul but des Patriotes grâce à un coup de tête sur un coup de pied de Philippe Saint-Laurent. Aussi, dans les derniers instants du match, Geoffroy a arrêté un tir avec sa poitrine alors qu'il se trouvait sur la ligne de but. Donc, s'il n'était pas là, ça rentrait. Félicitations à lui. Geoffroy débute un... Geoffroy ou Geoffrey, là, je ne sais jamais. Là, peut-être que... J'espère que je ne le prononce pas trop mal. Geoffrey ou Geoffroy débute un certificat en anglais. Autre compétition du côté des Patriotes cette fin de semaine, c'est la natation. On a la Coupe universitaire 4 qui se déroule plutôt à Montréal. C'est samedi à 13h. Les Patriotes donc vont compléter leur calendrier régulier du côté de la Coupe universitaire. Et il y a deux Patriotes qui se préparent activement pour le championnat provincial et le championnat canadien, soit Caroline Lapierre-Lemire et Sarah-Ève Savard. On le sait, du côté de Lapierre-Lemire, c'est médaille par-dessus médaille à date cette saison. Donc, on est curieux de voir si ça va se continuer. Volleyball féminin, les Patriotes sont dans les tournois, du moins la saison de la Division 2 se continue. On va disputer trois matchs du côté des Patriotes cette fin de semaine. On va tout d'abord affronter les Nordais de l'UQAM. Qu'est-ce qu'un Nordais? Un vent du Nordais. Je mets un silence, là. J'haïs pas ton idée, toi. Comment? En campagne, quand on dit le vent du nord là, il fait frais. Ouais, il rentre. Tu sais, il vient du nord-est, mettons. Okay, c'est comme un vent plus frais. C'est comme le Chinook rendu au Québec. Mettons, vous feriez une recherche. Ah ouais, j'y vais. Pourrais-tu être popé? Merci beaucoup. Avec le clavier. Avec le clavier bien fort, là, à côté du. Donc, on va faire nos recherches. Qu'est-ce qu'un nordais? Donc, le nordais est un ancien mot désignant le nord-est, mot toujours en vigueur dans le langage marin. Le nordais est un vent en provenance du nord-est qui. J'ai pas de suite. Hein? Ben non, mais c'est parce que j'ai pas cliqué sur le lien. J'ai cliqué, mais il est pas... qui est fret? Les joies des internets. Les internets. Qui souffle dans le nord de la France. Tu parlais de ça, pourquoi? Parce que je t'écoutais pas du tout, je fais d'autres choses. C'est que les Patriotes vont affronter les Nordais de l'UQAR. Université du Québec, Rimouski. Ah ben ça fait. C'est ça, ça fit, marche. C'est un vent marin, donc... Ben oui, tout à fait. Tout s'explique. Ça serait moins appliqué si ça aurait été l'UQAM, mais l'UQAR... Très acceptable. Donc, vendredi 28 janvier, c'est-à-dire ce soir, compte à 19h contre l'UQAR et leur vent marin du Nord. C'est où? La compétition, ça se déroule... Oh là, tu m'as surpris. Je ne sais pas. J'ai pas pris un note. Bon, allez, ouais. Mais j'ai d'autres informations super intéressantes sur le sujet. Ben oui, mais c'est au volleyball. Oui, c'est au volleyball. T'as mon signe de nom quand je te mime le volleyball. Indiscipline. Alors, on continue avant de s'enliser dans d'autres sujets. Ouais, c'est n'importe quoi. Donc, on continue, s'il vous plaît. Un peu de professionnalisme. Ouais. Désolé à la maison. On va essayer d'animer ça comme une station de... Comme c'est fou le mérite. Samedi 19 janvier à 10h, on va affronter les Citadines de l'UQAM du côté de l'équipe des Patriotes. Et à 16h... c'est à l'UQAM. J'ai mon information, je viens de le trouver. C'est à l'UQAM. Et samedi à 16h, les Patriotes vont affronter les Inuks de l'UQAC parce que c'est connu qu'à Chicoutimi, beaucoup d'Inuks. Encore là, un nom d'équipe. Bon, tu me diras, il n'y a pas beaucoup de Patriotes non plus à l'Université du Québec à Trois-Rivières, là, mais c'est un autre débat. Alors, Donc, cette fin de semaine, donc, le tournoi, dans le fond, les Patriots vont affronter à chacune des occasions les trois autres formations composant la Ligue, c'est-à-dire les trois équipes que j'ai nommées tantôt. Suite à ces 9 rencontres de saison régulière, le championnat provincial sera tenu aux Caps de l'UQTR, donc ici, le 19 mars prochain. Et dernière activité du côté des Patriotes cette fin de semaine, c'est samedi à la bâtisse industrielle du terrain de l'exposition de Trois-Rivières, donc live à Trois-Rivières. C'est une compétition de cheerleading organisée par le RSAQ, c'est-à-dire le Réseau des sports étudiants du Québec, en Mauricie. Présentement, les Patriotes occupent le troisième rang au classement du Réseau des sports étudiants derrière les Carabins de l'Université de Montréal et les Citadins de l'UQAM. Cette seconde compétition débutera à 16h à la bâtisse industrielle avec la participation de 5 équipes universitaires. Les Patriotes offriront leurs prestations vers 16h45. Donc, c'est ce qui est les activités des Patriotes. Hey, petite nouvelle du côté du hockey universitaire, monsieur. Stephen Molson ainsi que sa gentille... Son épouse. C'est le mot que je cherchais, sa conjointe, son épouse. On fait don de $1 million au programme de hockey masculin de l'Université McGill. J'ai écrit un texte là-dessus sur l'inconduitedeparti.com qui s'intitule « J'aimerais être anglophone ». Pourquoi j'ai de la misère à pas être en extase devant ce type de donation? $1 million. Écoutez, imaginez là, ce que les Patriotes pourraient faire avec $1 million. On aurait un aréna sur le campus ou une équipe de football. Tout dépendait comment le don est fait. Là. Mais on a une mentalité chez les anglophones de redonner à son institution, d'apprécier où est-ce qu'on a étudié, de profiter à 100% de notre vie étudiante, notre vie universitaire. C'est quelque chose qui n'existe tout simplement pas chez les Québécois francophones. Hey, écoutez, là, j'en parle dans mon texte, là, je parlais du Ralph and Goldstad Arena qui est situé au Dakota du Nord, à l'université chez les Fighting Sioux de l'université du Dakota du Nord. Ralph and Goldstad, qui a fait sa fortune dans les casinos, a payé l'aréna au complet. Mm. OK. Quand je parle d'aréna, là, c'est 104 millions que ça a coûté. C'est 11 000 places. Il est pas laid, l'aréna. Oh, il est beau. Il est beau. Tous les sièges, là, du VIP jusqu'à dans la section étudiante, tous des sièges de cuir avec des côtés en bois de cerise, du bois de cerisier, là, devrais-je dire, de la haute qualité. Tu rentres dans l'aréna. Écoutez, pour ceux qui ont écouté, qui suivent les championnats juniors à travers les années. En 2005, le championnat junior était tenu à l'endroit du côté du Dakota du Nord. Et c'est un aréna qui est tout simplement magnifique. Wayne Gretzky qui a été dire que c'était un des plus beaux en Amérique du Nord. Et je crois que Wayne Gretzky a quand même vu quelques arénas à travers sa carrière. C'est un aréna qui pourrait faire rougir plusieurs formations de la Ligue nationale de hockey, rien de moins. Et vraiment, donc, je vous invite à aller lire mon texte. Je me lance dans le sujet. Mais vraiment, là, c'est agréable de voir que la famille Molson, dans ce cas-ci, Stéphane et sa femme Nancy, s'impliquent dans le domaine. Ben, Stéphane a joué avec les Redmen. Je crois que ce qui tue un peu cette appartenance-là, sport et institution d'enseignement au Québec, on en a déjà parlé, c'est la force du sport civil. Au Québec, et notamment, bon, on va en parler au hockey parce que c'est à peu près c'est le seul sport qui s'est fait pendant 25 ans au Québec. C'était ouais. Le seul sport auquel tu pouvais jouer. Moi, quand j'étais au secondaire, on commençait à parler de basketball, de soccer. On commence à parler de football aussi au niveau un peu plus, à un niveau un peu plus intéressant au niveau académique. Oui. Mais justement, la force que le hockey a pu prendre à l'extérieur de l'école, ça brise un peu les reins, selon moi, du reste, parce que le hockey, dans les écoles, serait la locomotive des autres sports en ce qui concerne le Québec. On le voit avec aux États-Unis, c'est le football. Sauf que... Le football universitaire américain est la locomotive pour amener les autres sports. Philippe, McGill reste au Québec. Ah oui, non, mais c'est ça. Mais c'est la mentalité est la même. Tu sais, je veux dire, je comprends ce que tu veux dire. Moi, mais... comment je vois ça, c'est la chose suivante. Du côté des Québécois, l'éducation, on parle tout le temps d'éducation gratuite. J'ai droit à l'éducation. Mm-hmm. On voit ça comme un acquis, un dû. Non, mais c'est mon droit. Ça coûte rien aller à l'école au Québec. Puis après ça, on n'est pas reconnaissant. Regarde, je veux dire. Ah, je suis d'accord. J'en parle dans mon texte. Là, le cégep, là, une session au cégep, c'est le prix d'une brosse, là, une brosse bien arrosée. Donc, on a, au lieu d'être reconnaissant de faire, hey, j'ai eu la chance d'aller à l'université, moi, je suis reconnaissant parce que, et là, je confie une histoire personnelle, j'ai fait le CAV au cégep, justement, parce que ça coûtait rien, mauvaise note, et aucun programme de communication au Québec m'a accepté, sauf un, l'UQTR. Et merci beaucoup à l'UQTR parce que je vais en faire une carrière aujourd'hui, alors que je serais dans un autre domaine totalement. Je serais en dessin de bâtiment en train de dessiner de la réalisation. Non, à ce niveau-là, on a des parcours qui se ressemblent. Puis je pense que c'est peut-être aussi justement ce qui nous permet. On a à peu près le même parcours. Bon, mais c'est ça. Mais tu vois, mais c'est peut-être justement ce qui nous permet, de un, l'implication, de deux, la reconnaissance à notre institution. Tu sais, c'est peut-être ça aussi. T'as pas tort quand tu parles de la mentalité. Puis oui, à McGill, c'est peut-être un peu plus justement. Beaucoup plus. Ben oui, c'est une mentalité anglophone. De toute façon, on est allé. Mais c'est au-delà de la mentalité anglophone, Nick. Je pense que juste parce que les comparaisons que tu donnes du côté francophone dans ton article, c'est entre autres l'Université Laval, l'Université de Sherbrooke. Deux universités privées qui font ce qu'ils veulent avec leurs étudiants, qui chargent ce qu'ils veulent, puis qui peuvent justement monter, mousser un peu la popularité de leur institution au sein de leurs étudiants. Nous, on est pris dans le gros carcan de l'université publique, de du système des universités du Québec, pour qui il n'y a que l'UQAM et 19 autres universités qui gravitent autour sans vraiment aucune importance. Écoute, les gens là qui s'expatrient à Gatineau, à Rimouski, à Chicoutimi, pour aller faire des études poussées ou privilégiées dans ce domaine-là, ou qui veulent aller justement découvrir un peu de région, zéro. Zéro, aucun support encore, de la part de... Encore pour donner 1 million, ça prend quand même quelqu'un qui est sorti et il a fait de quoi de gros. Là, ah, mais non, mais non. Parce que 1 million, c'est pas si énorme du moment où t'as réussi dans la vie. C'est encore moins énorme quand ton nom de famille, c'est Molson. C'est t'es né dans bonne famille depuis 1903. Et puis... et puis c'est déductible d'impôt, là. T'as un retour, là. C'est un don aux bonnes œuvres, là. T'as un retour, là. Fait que, tu sais, c'est pas... C'est juste d'y penser, de l'avoir. Ici à l'UQTR, il y a la fondation qui amasse et qui a amassé 2 millions l'an dernier. Je veux dire, pour l'université au complet. Après ça, tu as Stephen Molson qui donne 1 million seul à l'équipe de hockey. Là. L'UQTR est la plus grosse pépinière pour les industries de pâte et papier qui, là, ne fonctionne pas bien, mais qui, lors des moments où elle fonctionnait bien, ça aurait peut-être été très intéressant d'investir dans le sport au niveau de l'UQTR. Là, je pense à Marmène en ce moment. Qui est une entreprise qui fonctionne à plein régime. L'UQTR travaille de pair avec Marmène, permet à Marmène de progresser comme institution, comme industrie au niveau de l'éolien. Mais on fait rien. Il n'y a pas de retour d'ascenseur. Pourquoi? Parce que l'Université du Québec à Trois-Rivières fait partie d'un système public qui est beaucoup trop gros à gérer, beaucoup trop de problèmes. Si tu veux donner de l'argent à l'UQTR, c'est un paquet de problèmes. Il faut que tu passes par-ci, par-là, par-ci, par-là, par-ci. Ça revient un peu à la tour des fous dans Astérix. En fait, tu sais plus où il faut que tu ailles déposer. Puis là, écoute, je fais rien que t'as donné de l'argent. Là, si en plus tu t'en veux pas, ben tant pis pour toi. Mais c'est le problème du système public. C'est l'immensité du système public. La décentralisation complète des pouvoirs, et ça fait en sorte qu'on n'est pas capable de hausser le niveau, ne serait-ce que du niveau de l'environnement de l'enseignement. Et de l'appartenance. C'est ça, mais de l'appartenance. Je critique pas du tout la qualité de l'enseignement qu'on reçoit dans les universités publiques qui est au même niveau que n'importe quelle autre université, même au niveau des universités américaines. Ce que je critique, c'est qu'on est dans un studio ici. Tu sais, je veux dire, j'aime bien ça, c'est fou. On a beaucoup de plaisir, mais c'est assuré que les dirigeants de C'est fou aimeraient un meilleur studio. Les associations étudiantes, il faudrait que ce soit mieux. Le 10-12, c'est tranquillement, ça vient, on va le rénover, mais il va falloir le mettre à terre quand on va faire le pavillon étudiant. Va-t-il être fait? On le saura jamais. Les salles de classe sont toutes dépeinturées. Il y a des salles de classe dans lesquelles tu es à côté sur un mur en briques. Je veux dire, à un moment donné... Bonne chance si tu veux une prise électrique. Là. Ben, c'est ça. Donc, c'est tout ça. Les ordinateurs, c'est lent. C'est tout ça. Et ça fait toute partie du même immense problème de gestion complètement impossible, ingérable, parce qu'il y a trop, il y a trop de niveaux. Ta demande doit passer par trop de mains, il y a par trop d'étapes avant d'être, ne serait-ce lu. Par la suite, il faut qu'elle revienne. Donc, c'est interminable. Donc, vraiment, écoutez, allez lire mon texte, là, les gens à la maison et les gens dans vos autos. Philippe, je trouve que c'est foutument intéressant ce que tu disais. C'est un, mais c'est, ton texte est excellent. Ah, merci. Malgré la photo avec le container devant l'Arena McConnell qui brise un peu l'élan. Mais l'Arena McConnell est magnifique. Ah, on était là. Et tu vois, on a privilégié à McConnell la qualité de l'architecture plutôt que le chauffage. Ouais, ben écoute, c'est plate, mais ça marche. Ben, tu sais, je veux dire, c'est triste, mais ça marche. Et là, on va avoir peut-être une confirmation. Ouais, on va aller une pause et au retour, on va parler à Jonathan Bernier de rufrondac.com. Donc, vous êtes à l'écoute de l'incontournable de partie sur C'est fou. À l'UQTR, c'est fou dans vos oreilles. Les nouvelles sont une présentation de l'inconduite de parti.com. Chronique, opinion et beaucoup plus. Tout d'abord, dans la LHMQ, les Cataractes de Shawinigan ont remporté leur 1400e gain hier contre les Foreurs de Val-d'Or par un pointage de 6-3. Seuls les Maniacs de Lewiston ont plus de victoires que Shawinigan avec 1440 gains. Du côté de l'île du Prince-Édouard, le Junior de Montréal a remporté 3-2 en fusillade contre le Rocket. C'est la première victoire du Junior dans leur séjour de 4 parties dans les Maritimes. Et les Saguenayens de Chicoutimi l'emportent 1-0 contre les Olympiques de Gatineau au Centre Robert-Gertin. C'est en bloquant les 25 tirs dirigés vers lui que le Christopher Gibson a mérité son jeu blanc. Au football, en prévision du Super Bowl, on pourrait assister à un record d'assistance au Cowboy Stadium avec 105 000 personnes qui sont attendues pour le grand match. Le record est présentement de 103 985 personnes au Rose Bowl en 1980. Dans la Ligue canadienne de football, Mark Trestman est finaliste pour le titre de meilleur entraîneur de l'année 2010. Il est dans la course face à Jim Barker des Argonauts de Toronto et Ken Miller des Rough Riders de Saskatchewan. Au tennis, Djokovic passe en finale en éliminant Roger Federer, en demi-finale en 3 manches de 7-6, 7-5 et 6-4. Il affrontera Andy Murray qui a vaincu David Ferrer en 4 manches de 4-6, 7-6, 6-1 et 7-6. Dans la Ligue nationale de hockey, les Capitals de Washington ont accordé une prolongation de contrat d'un an à Alexander Semin. Le Russe touchera 6,7 millions pour la prochaine saison. Ce sera sa 7e saison avec les Capitals. Et à New York, l'attaquant Mark Molson et les Islanders ont conclu une entente de 3 ans d'une valeur de 9,4 millions de dollars US. Molson a amassé 29 points à sa 2e saison avec les Islanders. Et finalement, au hockey universitaire, les Patriots affrontent ce soir les Ravens de Carleton à Ottawa et la partie est diffusée sur SSN Canada. Puis c'était vos informations sportives de l'inconduitedeparti.com. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook. Like Casey and JoJo, like Sonny and Cher, you Tina, but I'm Et c'était Tokyo Police Club avec la chanson Favorite Color. Petite chanson un peu le fun là, ce matin, là, un petit peu relax. Il se joint à nous directement de l'Assomption. Oui. L'Assomption. Jonathan Bernier de ruefrontenac.com ou Rue Frontenac tout simplement, mais qu'on consulte au .com. Jonathan, je regardais le Rue Frontenac qui est sorti cette semaine. Il y avait pas de texte de ta part, mais quand même, il y avait un excellent texte sur Mathieu Darche et comment il a été chercher le gros lot, ou plutôt comment, enfin, pour la première fois de sa carrière, c'est un joueur apprécié à sa juste valeur, ou du moins, où est-ce que les succès lui réussissent. Ça vient de ton collègue Marc Defoy. Et, vas-y. Oui, tout à fait. En fait, c'est ça, justement, enfin, la récompense au bout de plusieurs années d'efforts. Dans le texte, Marc raconte que Mathieu a changé d'adresse 9 fois en 10 ans, puis il a joué pour une dizaine d'équipes en 10 saisons. Ça en fait du kilométrage, ça. Ça en fait du kilométrage en avion, en auto et en autobus, surtout dans son cas. Là. Ouais. Je vous résume ça un peu rapidement. Là. Mathieu a pensé à abandonner à quelques reprises au cours de sa carrière. Il y en a plusieurs probablement qui l'auraient fait aussi, étant donné les villes plus folkloriques les unes que les autres dans lesquelles il a joué. Les joies de la East Coast. Des joueurs de la East Coast, de la Ligue américaine, mais c'est surtout en Europe quand il est allé jouer une saison en Allemagne là, qui a songé sérieusement à mettre un terme à sa carrière. Tout simplement parce que ça fitait pas avec son entraîneur là-bas. Il raconte que son entraîneur voulait lui enseigner l'art du plongeon, si on veut, là. Donc comment feindre une chute pour provoquer une punition à l'adversaire. Puis lui, évidemment, c'est pas dans son tempérament, c'est pas dans son style de jeu. Ça rappelle le bon vieux, les jeux de puissance, là, les Mighty Ducks, là, que... Oui. Colin Bombay, là, ça prenait à plonger. Oui, exact. Ça avait mis les parents en rogne, d'ailleurs. Ouais. Il n'était pas question du côté de Charlie Conway de faire ça, là. Non, tout à fait. C'était contre les règles du jeu. tout ça pour dire que, bon, il a pensé à abandonner. Ça se fait pas, ça. Ça se fait pas. Et puis que ça aurait... Dans le fond, lui, ça n'aurait pas une nuit nécessairement à sa vie familiale, étant donné qu'il y a quand même un bon background scolaire. Là. Du côté de Dash, on a étudié pendant 4 ans plutôt avec McGill. McGill, donc on sort de là avec un diplôme quand même qui est à C'est ça, lui a un bac en marketing et en gestion internationale des affaires. Donc, il aurait été quand même bien ferré là, pour poursuivre sa vie. Mais il y a une passion tellement grande pour le hockey qu'il a décidé de s'accrocher. Puis finalement... Au bout de 10 ans, et beaucoup d'efforts, mais il a réussi à porter l'uniforme du Canadien. C'était pas son but premier. Son but premier, c'était de jouer dans la Ligue nationale, mais c'est un petit boni pour lui là, de jouer pour le Canadien. Puis il raconte d'ailleurs que des fois, il patine en solitaire sur la glace là, avant que ses coéquipiers viennent le rejoindre. Puis il a l'impression d'être dans un rêve encore. Là, il voit le logo du Canadien sur sa poitrine, puis il en revient pas, là. Ben écoute, je dirais c'est comprenable là, dans son cas. Moi aussi, là, j'en jouais un avec le Canadien, je serais de même, mais ouais. Savoir que t'es payé pour le faire en plus. Moi, je le ferais gratuit comme plusieurs Québécois. Ouais. Mais là, ça nous amène à la question, là, étant donné que lui, c'est un contrat d'une saison qui se termine évidemment au mois de juillet, là. Quel avenir le Canadien lui réserve? Pierre Gauthier, est-ce qu'il va le garder? Est-ce qu'il va lui offrir un autre contrat? Et si oui. Ça va ressembler à quoi? Combien, quel montant, hein? Ouais, parce que pour ce qui est de la durée, ça va probablement être toujours des contrats d'un an, étant donné qu'il est rendu là, à 34 ans, Mathieu, là, il est sur la fin quand même, là, même si, il est arrivé depuis un an et demi seulement avec le Canadien. Ouais, c'est ça. Là, il gagne 500 000 cette année. Est-ce que sa saison, puis l'importance qu'il a pour l'équipe, va lui permettre d'aller chercher au moins 1 million? Pour finir en beauté, de boucler la boucle. C'est de plaisir. Et je m'en allais dire, vu qu'à 34 ans, il est agent libre sans compensation, parce qu'il y a d'autres équipes qui pourraient être intéressées à lui comme joueur de 3-4e trio? Moi, je regarde toujours du côté du Lightning. Ah. À chaque fois qu'il y a un joueur du Canadien qui... à chaque fois qu'on se pose la question, en fait, sur un joueur du Canadien, je regarde toujours du côté du Lightning, surtout étant donné que Guy Boucher est là, puis Guy et Mathieu, l'an dernier, on travaillait en équipe là, avant que Mathieu soit rappelé par le Canadien. C'est d'ailleurs Guy Boucher qui avait demandé à l'organisation là de lui faire une place. Puis il s'en est servi comme conseiller parce que bon, Mathieu connaissait tous les joueurs de la Ligue ou à peu près, donc il savait quand les Bulldogs jouaient contre telle formation, quel joueur surveiller, quel style de jeu cette équipe-là pratiquait. Fait que c'était comme un, c'était quasiment un entraîneur adjoint finalement. Là. Puis étant donné qu'il a offert de bons services à Guy, puis la complicité semblait être très bonne, je pense que Guy Boucher serait peut-être tenté d'aller le rechercher. Donc, hey Jonathan, ouais, ça serait un retour en plus pour lui là, à Tampa Bay, lui qui avait évolué. Il a joué 73 matchs avec le Lightning en 2007. C'est là qu'il a gagné sa meilleure saison. Il a eu 22 points. Mais il est parti pour l'améliorer. Là. Cette année, il est rendu à 20 points. Jonathan, tu viens de parler cette semaine des 32 matchs qui restent aux Canadiens. Donc, j'imagine que tu nous fais une analyse de chaque match. L'analyse détaillée des 32 matchs. rien de moins. Non, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que, bon, le Canadien, quand on regarde le classement présentement, là, c'est 59 points. 59 points en 50 matchs, excusez. Il est en 7e place, 2 points devant les Thrashers et 3 seulement devant les Hurricanes. Donc, c'est toujours aussi serré que ça l'était il y a quelques semaines. Malgré que le Canadien a quand même connu du succès, là, je pense qu'ils ont récolté au moins un point dans 10 de leurs 11 derniers matchs ou 12 derniers matchs. Là. Malgré tout, ils n'ont pas réussi à semer leurs poursuivants. Donc, dans les 32 derniers matchs qui restent d'ici la fin du calendrier, le Canadien va avoir son sort entre ses mains, ce qui est toujours... ce qui est toujours une bonne chose dans une course comme celle-ci. Dans ces 32 matchs-là, il y en a 14 que le Canadien va disputer contre des clubs qui sont directement impliqués dans la même course que lui. Là-dedans, j'inclus bon, les Bruins 3 fois, les Capitals 3 fois, les Rangers 2 fois, les Thrashers 2 fois, les Hurricanes et les Sabres également 2 fois. Donc, 14 matchs contre des équipes justement là, qui luttent pour une place en série. Contre le Canadien, ou que le Canadien peut aller rejoindre, là, étant donné qu'ils ne sont pas très loin en arrière non plus. À ça s'ajoute 10 matchs contre des équipes de, je dirais pas de fond de classement, mais des équipes plus loin, là, qui, au moment où on se parle, là, sont très loin d'une place en série, c'est-à-dire les Panthers 2 fois, les Maple Leafs 3 fois, les Sénateurs, les Islanders et les Oilers 1 fois, ainsi que les Devils à 2 reprises. Oh, ça va être bon, ce contre les Devils. Ouais, donc ça nous fait... ça nous fait 24 matchs sur 32 qui sont disponibles pour le Canadien à aller chercher, là, à rapporter des victoires. Puis j'estime, en tout cas, sur ces 24-là, pour ne pas être dans le trouble rendu à la fin, là, ça prendrait au moins, je dirais, 16 ou 17 victoires. Ouais. Donc, deux tiers des matchs, deux tiers des victoires pour le Canadien. Puis, on allait chercher ces 17 matchs-là. Puis, on allait grappiller un peu des points là, dans les 6 matchs qui nous restent. Là, c'est-à-dire Pittsburgh, Tampa Bay 2 fois, Calgary, Vancouver, Saint-Louis, Minnesota et Chicago. On devrait s'approcher du 97-98 points, ce qui devrait être suffisant là, pour une place en série sur la fesse, comme d'habitude. Ouais, ben c'est ça, je m'en étais demandé. Commences-tu à avoir peur un peu pour ta prédiction comme quoi le Canadien ne ferait pas une série? Non, pas encore. Encore? Ben en fait, la dernière séquence de matchs dont je viens de vous parler, là, les points dans 10 matchs, dans 10 des 11 derniers matchs, je dirais que ça a fait peut-être un peu changer la donne, là, c'est-à-dire ma prédiction est peut-être un petit peu moins forte, elle a peut-être un petit peu moins de valeur qu'au moment où je l'ai faite au retour du voyage du temps des fêtes, mais... j'ai pas encore peur, compte tenu, comme je disais tantôt, là, qu'il y a juste 3 points qui séparent le Canadien de la 9e place. Oui, puis compte tenu de la façon dont le Canadien joue aussi, là, les 10 derniers matchs, c'est 6-2-2, mais c'est pas un beau 6-2-2. Ouais, là. Mais tu trouves le moyen de gagner? Ah oui, mais... Quand on t'en aime, là, j'en parle, parce misère, que là, on a quand même trouvé le moyen d'aller chercher un point à 19 secondes de la fin. Ah oui, mais de peine et de misère. Ah ouais. En dehors de la victoire contre les Sénateurs d'Ottawa, depuis 20 matchs canadiens, c'est pas... Non, c'est ça. Ben, c'est pour ça que justement... C'est pas énorme, là. C'est pour ça que je garde encore un mince espoir de gagner ma prédiction, même si j'aimerais bien mieux que le Canadien fasse les séries, parce que c'est toujours le fun, les séries à Montréal au printemps, la fièvre que ça l'amène. On a vu ça l'an passé, la folie montréalaise après avoir éliminé les Capitals, puis ça a continué avec après Pittsburgh. Ça a augmenté de ronde en ronde. Tout ça pour dire, pour rajouter, si on veut, à la fin du calendrier, là, la pause du match des étoiles qui est amorcée depuis mercredi va être très importante pour les joueurs qui n'ont pas été invités au match. Puis d'ailleurs, je pense que c'est un mal pour un bien qu'il y ait seulement Carey Price et Piqué Souben d'inviter. Ça va permettre aux autres joueurs de se reposer. Je pense entre autres à Plekanex qui est surutilisé, là, qui est utilisé à toutes les sauces en avantage numérique, en désavantage numérique, à 5 contre 5 évidemment. Même chose pour les vieux défenseurs, là, Amerlix, Pacek, Gill, ouais, c'est ça. Qui sont utilisés pendant plus de, en tout cas, aux alentours de 20 minutes, là, surtout depuis que Georges et Markov sont blessés. Donc, ce congé-là va être bénéfique, puis j'espère que les gars vont en profiter justement pour vraiment, là, faire le vide, puis pas trop festoyer. Je sais qu'il y en a qui partent tout le temps en vacances, en voyage pendant ces, cette période de congé-là, là, en espérant que les gars soient raisonnables pour justement revenir top shape pour le dernier droit de la saison. Des joueurs de hockey pas raisonnables, Jonathan? Pardon? Des joueurs de hockey pas raisonnables? On n'a jamais vu ça à Montréal, voyons. Ouais, ça, c'est bien, mais en tout cas. Non, ça se peut. Il y en a qui le sont, mais il y en a d'autres qui le sont pas. Hey, Jonathan, tu parlais du match des étoiles. On va avoir notre propre pool intra-équipe. OK. C'est-à-dire qu'on va se choisir. Je suis Eric Stahl ce matin et Philippe sera Niklas Edström. Ton choix, si tu serais un des deux capitaines. Si tu étais, je sais. Et ma blonde va m'en excuse-moi de t'avoir repris en ondes, mais ça fait mal. Je sais. En fait, j'ai pas assez, mais en tout cas. Si tu étais un des deux capitaines, merci Philippe, qui serait ton choix surprise? Sur qui mettrais-tu un vieux deux? Mon choix surprise ou mon choix de mon premier choix? Ben, les deux, vas-y, je te laisse la carte blanche. Carte blanche. Ben, bon, je vais vous faire un petit parallèle. Là. Hier soir, à NHL Network, ils ont fait le même exercice que vous. Là. Okay. C'est-à-dire que Kevin Weeks était Eric Stahl et Mike Johnson était Niklas Edström. Le premier choix, c'était Alex Ovechkin et puis le deuxième, Steve Stamkos. C'est-à-dire le premier choix de Mike Johnson, finalement. Moi, j'aurais choisi Steven Stamkos, puis je trouvais que la raison de Mike Johnson était excellente, c'est que lui, il disait, bon, dans un match axé sur l'offensive, où les jambes, dans le sens où les jambes être en forme, mais je veux dire, la rapidité plutôt est importante aussi, puis le fait spectaculaire, lui, il donnait son choix à la jeune vedette du Lightning, au gars qui est... présentement l'un des snipers du circuit, étant donné que Crosby est en maladie. Moi, je trouvais que c'était un choix intéressant. Pour ce qui est de mon choix surprise, j'avoue que je m'étais pas arrêté à ça vraiment. Qui crois-tu va avoir le meilleur match, tout simplement, là, sans être, je veux dire, Ovechkin, Stamkos, c'est des choix, évidents, mais ouais. Est-ce que, mettons, un Claude Giroux pourrait faire comme Danny Hitler avait fait il y a quelques années, 5 buts dans le même match, ouais. Si je ne me trompe pas? Ben, je pensais peut-être à Daniel Brière aussi. Daniel Brière qui a été invité à la dernière minute pour combler l'absence d'un autre joueur. Dans ces cas-là, je pense que les gars sont toujours mindés pour en donner un peu plus, pour montrer que finalement, ils méritaient peut-être d'être là dès les premières invitations. Claude Giroux, c'est un bon choix aussi. Il joue sur le troisième trio à Philadelphie avec des joueurs talentueux, oui, mais surtout des joueurs quand même, tu sais, des grinders, je dirais, des power forwards. Ça serait intéressant de le voir avec des joueurs plus axés sur l'offensive. Je vais être... Ça va être une des choses à surveiller pendant ce match des étoiles-là. Puis j'ai également hâte de voir aussi le jeune Skinner, voir de quelle façon il va se débrouiller avec les vétérans, l'entourer d'étoiles comme ça. Est-ce qu'il va être tellement impressionné que ça va le geler ou justement là, il va être tellement bien entouré qu'il va être encore meilleur que son début de saison avec les Hurricanes? Moi, je veux savoir, là, je regardais ça, là, quelqu'un comme... Attends, j'ai un blanc, là. Qui va être le dernier choisi? Parce que c'est ça qui était drôle c'est ça qui va être drôle. Qui va être le dernier choisi? Ben, c'est ça. Il y en a plusieurs qui parlent de Patrick Elias. Il y en a d'autres aussi qui croient que Corey Perry pourrait être le dernier choisi, étant donné sa situation. Ben, il n'est pas mal en point, mais tu sais, il y a eu quelques difficultés en début de saison. Même lui-même se considère comme potentiellement le dernier choix. Il se prépare mentalement à subir les foudres puis les sarcasmes de ses coéquipiers adversaires. Donc, peut-être un de ces deux-là. Toi, là, en tant que capitaine, est-ce que tu sépares les deux, Cédine? Premièrement, je m'arrange pour avoir Henrik. Ouais. Après ça, bon, si l'autre capitaine veut avoir Daniel, ça me dérange pas. Si je peux avoir Daniel avec Henrik, ça va être un plus. Ça serait mon choix premier. Mais mon objectif serait, parmi les deux, là, d'avoir Henrik puis Daniel, ça serait le bonus. Puis en tant que... Tu sais, quand tu regardes tout le concept, tout ça, tout comment ça va fonctionner, penses-tu que ça va amener un peu d'excitement, un peu d'excitation, Nicolas. Je sais, j'ai été pour l'anglais sur celle-là. Un peu d'excitation dans le concept et dans la fin de semaine? Moi, je pense que l'excitation va être aujourd'hui. Ouais. D'ailleurs, j'ai vraiment hâte de regarder. Moi aussi. Je sais pas si je dis de regarder ou juste de savoir ça va être quoi le résultat, mais je suis curieux aussi de voir de quelle façon ils vont présenter ça. Ouais. Il va avoir une espèce de balustrade, puis là le capitaine va dire je choisis tel joueur, puis là on part des faits saillants de ce joueur-là. Moi j'aimerais ça que ça soit tourné dans une taverne, tu sais, comme un pool de hockey là. Ouais, avec une fille qui accroche des noms sur le mur. Ouais, exactement. Ben, moi aussi c'est un peu mon vœu pieux, ça, ou directement sur la glace. Tu sais, il me semble que ça pourrait être pas pire. Il me semble que, bon, faire ça genre soirée de gala avec les gars, chacun sur le lutrin avec le gros... Bon, ouais, ça fait un peu remise de trophée. Ben, c'est vrai que ça enlève très bien l'esprit du choix. Ben, quand on était jeune, dans le gymnase, tu choisissais tes joueurs, là, les gars étaient assis sur le banc, puis tu disais, bon, moi, je prends lui. Je prends ces trois-là contre le pote. Ouais, c'est ça. Ah, le bon vieux pote. Ouais, il était pas très bon, ce pote-là. Hein. Tu savais que si tu te retrouvais dans le pote, c'est que l'autre capitaine, c'était pas ton meilleur ami. Non, c'était évident, là. Il y avait un blocage là-dessus. En terminant, Jonathan, tu voulais nous dire 3-4 petits mots sur le Colisée et sur l'offre d'achat, pas l'offre d'achat, mais l'offre de partenariat que ton bon ami Pierre Castellano a fait cette semaine. Ben, en fait, c'est surtout sur les derniers développements, surtout en ce qui concerne ce qui est arrivé hier, là, le fait que le maire Labeaume a dit qu'il passait à son plan B parce qu'il n'y avait pas eu de nouvelles des conservateurs, puis qu'ensuite, José Werner vient prendre la défense des conservateurs en disant que son parti n'avait jamais eu de plan officiel, si on veut. On dirait qu'on se relance la balle là, de ce côté. Ouais, puis là, ça m'amène à me poser la question, est-ce que le maire Labeaume est un fin négociateur ou s'il est tout simplement un bon ratoureux? Pour pas dire un autre mot, là. Justement, parce que là, il a dit qu'il passait à son plan B étant donné l'inaction du Parti conservateur, mais son plan B était supposé de l'amorcer à partir du 31 décembre, ou environ. Puis là, ce qu'on apprend en début de semaine, c'est que Pierre-Carl Pladeau lui a fait une offre dès le mois de septembre. C'est une offre qui est demeurée secrète, si on veut, là, jusqu'au début de cette semaine. Puis ça, ça me fait un peu... comment je dirais ça? Dans le fond, il sollicitait le fédéral en disant qu'il avait besoin de l'aide du fédéral, puis que finalement, c'était comme si le privé, il voulait pas embarquer là-dedans. C'est pour ça qu'il allait solliciter les paliers de gouvernement. Puis là, ce qu'on apprend, c'est que pratiquement au début du processus, en tout cas au mois de septembre, il y avait déjà une offre du privé sur la table. Oui, mais c'est demeuré secret pour la seule et unique raison que Pierre-Carl voulait l'annoncer le jour du début de la série Québec-Montréal. Non, je pense pas. Je pense vraiment que... C'est sûr. Du côté de la banque, je pense qu'on voulait garder le contrôle total sur l'amphithéâtre. On voulait en faire un peu comme notre jouet. Et là, c'est en train de... Justement, on doit passer au plan B parce que ça marchera pas de toute évidence. Et, trouves-tu que c'est une façon correcte de faire ça, Jonathan? Ben non, mais c'est pour ça que je suis en plein processus de questionnement ce matin, là. Puis c'est pour ça que je me demande si... Puis l'autre affaire qu'il y a aussi, c'est que, bon, là, on apprend que Québécois a fait une offre là au mois de septembre. Et puis cette semaine, on a entendu à travers les branches que le maire Labeaume est en train un peu de scruter d'autres investisseurs potentiels. Il n'y avait pas Bell aussi? Des investisseurs en concurrence directe avec Québécois et Vidéotron. Le problème, c'est si c'est Bell et leur groupe spectacle du Centre Bell, on risque peut-être pas de voir du hockey à Québec. Là. C'est sûr. Montréal, je pense qu'ils disent « Ah oui, ce serait le fun d'avoir une équipe à Québec. » Par contre, si c'est Bell, je pense pas vraiment que Montréal aimerait vraiment ça, là, finalement, avoir une autre franchise à Québec. Là, tu m'amènes sur mon deuxième point de ce sujet-là, le fameux retour des Nordiques. C'est ça. C'est drôle, mais moi, j'y crois pas tant que ça. Pas du tout, là. Tu sais, il y a des gars, moi, je travaille également à RDS, là, pour ceux qui l'ignoraient. Puis il y a beaucoup de gars qui viennent de Québec qui travaillent à RDS avec moi, puis eux autres, là, Les autres, ils ont dit, hey, ça s'en vient. Là, il y a même un qui m'a fait une prédiction que la première mise en jeu du match inaugural des Nordiques, ça serait dans 2 ans. Moi, j'ai dit, premièrement, moi, je suis tellement persuadé que ça arrivera pas. Puis je dis, si jamais ça arrive, ce que je suis persuadé, comme je dis que ça arrivera pas, ça sera pas avant 5 ans. Moi, c'est pas avant 5 ans. Puis encore là, peut-être que ça sera jamais. Parce que moi, Batman, c'est un autre. C'est toute une gang de pareils. Batman, c'est un autre manipulateur. Moi, je suis persuadé qu'il sort de Québec puis Winnipeg pour, juste pour mettre de la pression puis secouer un peu ces marchés en difficulté pour les menacer en disant, hey, regardez, là, si ça marche pas chez vous, là, nous autres, on traverse au nord puis il y a deux villes qui nous attendent. Puis en forçant l'équipe de Québec à construire un nouveau Colisée, mais ça vient juste mettre du poids à son argument. Un peu comme on avait fait avec Hamilton. C'est ça. Ouais, souvenez-vous, là, fin des années 90, là, justement, quand Batman faisait exactement la même chose, mais de l'autre côté. Tu sais, en disant justement au marché qui est en difficulté dans le Nord, écoutez, là, il va falloir vous réveiller parce que j'ai des équipes dans le Sud qui veulent. Mm-hmm. Sauf que là, il est passé à l'acte. Il s'est trompé, vous allez me dire. Là, ouais. Ça va bien au Minnesota. Ouais, mais non, mais Minnesota, ça fait longtemps qu'il y avait une équipe. Là, c'est seulement un retour au niveau du Minnesota. Mais entre autres, là, justement, Nashville, Columbus aussi, quand même. Mais c'est au nord, Columbus. C'est ouais. Ça, mais. Nashville, Atlanta. C'est ça, Atlanta, également, là, Floride qui est arrivé dans ces années-là aussi. Tu sais, à ce moment-là, il est passé à l'acte et il a fait le saut au sud, justement. Ouais. Bon, il est passé à l'acte aussi parce que dans sa tête, à lui, il voulait vendre le hockey aux Américains. Ça, il voyait que les contrats de télévision étaient là. Mais c'est ça, parce qu'en fait, il y a le billet du fait que lui arrive de la NBA. Il y a gros contrat de télévision dans la NBA, là, puis il a probablement un peu misé sur ça, que le hockey allait se vendre aussi bien à la télévision aux États-Unis que la NBA pouvait le faire, puis forcé d'admettre qu'il s'est trompé, puis qu'il continue à essayer de s'entêter à vendre des contrats de télévision à des pour des équipes qui fonctionnent pas. Écoute, j'ai regardé le match de Dallas contre Edmonton cette semaine, puis je veux dire, Dallas ont gagné la Coupe en 2000-2001, ouais. Et puis il n'y a pas un chat des estrades. Personne dans les estrades à Dallas. Du côté de Dallas, j'avais vraiment fait le saut parce que je me disais, bon, tu sais, s'il y a une concession dans le sud qui fonctionne, c'est Dallas. Non. Ça va pas très bien à Dallas ces temps-ci. En plus, à un moment donné, à Dallas, il y avait mon collègue Martin Leclerc qui avait fait une espèce d'enquête de ce côté-là. Puis, il s'était rendu compte que depuis que les Spurs étaient là, je pense que c'était en 2006 ou 2007 qu'il avait fait cette enquête-là. Il s'était rendu compte qu'il y avait maintenant plus de joueurs de hockey mineurs à Dallas à ce moment-là qu'il y en avait, c'est-à-dire au Texas, mm-hmm. qu'il y en avait au Québec. Oui, je me souviens de ce reportage. Fait que c'était assez spectaculaire, puis justement, ça se fait se demander pourquoi que les stars sont devenus si impopulaires là, en si peu de temps, finalement. Oui, c'est ça. Puis du côté de Dallas aussi, le fait que oui, que le hockey augmente, mais de là amener des gens à l'aréna, des fois c'est dur, un peu comme avec l'Impact, où est-ce que le soccer est le sport le plus disputé et le plus qui a le plus de participants au Québec, mais que par contre au niveau de l'Impact, la plupart des gens qui vont y voir connaissent absolument pas les joueurs, puis on y va en famille parce que c'est une belle activité. Ouais. Ça va achever ça. Non. Ouais, le prix des billets va augmenter un peu. Le niveau de jeu va augmenter. La base de fans qui ne va pas voir l'Impact parce que c'est pas un gros calibre de jeu pour l'instant va commencer à rentrer dans le stade. Tu vas voir que ce sera peut-être plus un endroit pour amener une poussette. Et tu sais, là, pour l'instant, les supporters qui sont présents, tu sais, qui sont là tout le match puis qui suivent le match, prennent à peu près la largeur d'un filet de soccer puis ils sont derrière celui de Matt Jordan. Ouais. Ça va s'élargir très, très, très rapidement. D'ici 3-4 ans, ça va devenir justement une base beaucoup plus intéressante au niveau des supporters de l'Impact. Et puis, on va apprendre aussi du côté des supporters comment supporter une équipe de soccer. C'est pas le Canadien qui est sur la glace, là. Tu sais, c'est l'Impact, c'est autre chose. Il va falloir apprendre à célébrer autrement que lorsqu'il y a des buts. C'est ça, mais ça, je pense que ça rejoint ton premier ton premier commentaire, là. C'est le fait que la base de connaisseurs va rentrer dans le stade tranquillement pas vite. Je pense que ça aussi, ça va faire changer la mentalité dans les gradins. Exactement. Ce qui va amener justement à une célébration ou à une appréciation différente du match. Oui, en effet. Juste pour terminer, oui. Là, vous parliez que si Belle rentre dans l'histoire du Colisée, il n'y aura pas de hockey à Québec. Là. Ben, moi, je voudrais vous dire que si Vidéotron les Québécois achètent ou font construire le Colisée, ben il n'y aurait plus de Céline Dion au Centre Bell. Ah, c'est vrai. Ouais, parce qu'elle appartient à Québécois, hein, Céline Dion, officiellement. C'est... Ben oui, officieusement, mais... Mettons que ça mange dans le même mangeoire. Puis c'est ça, ben ça pour dire, juste pour finir là-dessus, ça c'était un autre de mes arguments, là, que quand je discutais, quand je confrontais mes confrères, là, qui me disaient, penses-tu que PKP a investi dans le Colisée pour pas avoir de club de hockey, il ferait pas d'argent, mais moi je disais justement, il va en faire parce que lui, il veut le contrôle total des concessions, puis du stationnement, puis justement, parce que partie d'une compagnie de spectacle. Fait que juste avec Céline, il rentre possiblement dans son argent. Tu rajoutes à ça le Cirque du Soleil, qui est également un partenaire assez fort du Québécois. Star Academy. Et là, tous les amis de l'un et de l'autre aussi, là. Ah ouais, pis... tu vas chercher Céline, t'amènes Paul, tu peux agrandir très rapidement. Ben, tu peux agrandir très rapidement, tu peux même, à cause de ta puissance, puis à cause du fait que tu contrôles le contenant et le contenu, dire à certains artistes, écoute, si tu choisis le Centre Bell au lieu de choisir le Centre Vidéotron, ça se peut que Charchambault, tes CD, ils soient dans la bine, dans le sous-sol en bas, puis qu'ils restent là, tu sais. C'est ça le problème, justement, de la concentration des ouais, médias. Oui, c'est ça. On n'embarquera pas là-dedans. Là. Je faisais justement cet exposé oral à mon père cette semaine. Et effectivement, non, plus c'est un peu un cercle vicieux qui devient rapidement, justement, le cercle du pouvoir. Tout à fait. Et quand la politique se mêle là-dedans, ce qui est en train d'arriver, ça risque d'être très dangereux. Mais ça, c'est un autre débat, justement, qui pourrait être fait à un autre moment. Oui, ben justement, moment, écoute, Jonathan, je te remercie beaucoup de... On te laisse. On te laisse à tes activités. Ben, je vous souhaite une bonne fin de semaine, les gars. Ben, toi aussi. Bon match des étoiles. Ben, le match des étoiles, ça va être bon. Bonne sélection, c'est là que le show s'arrête, malheureusement. Mais, hey, c'est-tu sur Versus aux États, la sélection, ou... On fera notre enquête. ESPN America, live coverage national sur Versus CBC, c'est Hockey Night. Ici, nous autres, ça va être RDS, ESPN America, NHL Network non, et NHL Radio. Non, c'est sur TSN ce soir, par contre. Je suis sûr. J'ai écouté... Ben, en tout cas, on fera nos... Peut-être, là, mais ce sera la diffusion... On se consultera durant la pause. Merci beaucoup, Jonathan. OK, bye-bye. Passez une bonne semaine. Bonne fin de semaine. Alors, c'était Jonathan Bernier de rifrontenac.com qui s'est joint avec nous ce matin. On va aller à une pause et au retour, une petite chanson. Ça va être du Ariel avec Après le crime. Et au retour, on va parler tennis, le Australian Open qui se déroule en ce moment, qui va bientôt se terminer dans quelques jours. Le 30. Ce week-end. Ouais. Marc-Antoine nous parle de ça. Vous écoutez l'inconduite de partie sur C'est fou. 89. Ah, c'est fou, vous La rivière, le 16e. Oh, attention! Birdie! Incroyable! Renversant superbe! C'est un cinquième consécutif. Un septième pour l'équipe. Incroyable. L'inconduite de partie. Regardez sa réaction. Il n'en revient pas. Miroir déformant, fornication stérile, fuir. Ariel, avec la chanson Après les crimes. Hey, j'aime ça, Ariel. Ça me fait penser un peu à une version francophone. Du moins, cette chanson-là, là. Version un peu francophone de Billy Talent, avec un petit peu moins de criage. Ouais, c'est ça. Je suis pas certain qu'Ariel serait très, très heureux de la comparaison. Mais c'est quand même, moi, j'adore. Ouais, moi, vraiment, ça. Là, j'adore. Excellent. Ouais. Eh bien, si on a déjà dépassé à peu près tous nos temps, ce qu'on voulait faire ce matin, donc on va y aller tout de suite avec tennis, Australian Open, Marc-Antoine. Ben oui, les internationaux d'Australie de l'ATP se déroulent présentement, c'était du 22 au 30 janvier. Je vais commencer avec les quarts de finale. Ben, c'est un tournoi qui a eu beaucoup de surprises avec l'élimination tout d'abord en quart de finale de Nadal et hier en demi-finale de Federer. Ça, je vais commencer avec les quarts de finale. Tout d'abord, comme je disais, Nadal perd en quart de finale contre David Ferrer, 6-4, 6-2 et 6-3. Nadal, qui avait remporté la saison passée Roland-Garros, Wimbledon et les internationaux des États-Unis, aurait pu faire un grand chelem sur deux saisons en remportant les internationaux d'Australie. Malheureusement pour lui, il perd. Cet exploit a été réalisé seulement une fois en 1969 par Rod Laver. Rod Laver? Ouais. Okay. Laver. Laver. Ouais, c'est okay. Mon A était pas fait. Rod Laver, c'est un des noms les plus hot ever. Là. Rod Laver. Born star, Rod Laver. OK, bon. Je te laisse continuer. L'autre quart de finale, Andy Murray, pour sa part, passe en demi-finale avec une victoire contre Dolgopolov en quatre manches de 7-5, 6-3, 6-7 et 6-3. Il sera l'adversaire de Ferrer en demi-finale qui avait lieu ce matin. Djokovic a aussi passé en demi-finale après une victoire de 6-1, 7-6 et 6-1 contre Berdych. Il affronte donc Federer en demi-finale, lui qui a remporté le quart de finale 6-1, 6-3 et 6-3 contre Wawrinka. Donc le portrait pour les demi-finales était David Ferrer, Andy Murray et Djokovic Federer. Nous avons hier eu le match Djokovic Federer qui a été remporté par trois manches de 7-6, 7-5 et 6-4 par Djokovic. Federer, c'était pas son meilleur match, bien franchement. Il a accordé beaucoup de deuxième balles à Djokovic. Beaucoup d'erreurs, beaucoup de balles dans le filet. Du côté de Djokovic, un équilibre parfait, un match très bien disputé. On a vu Djokovic qui, généralement, est plus fort sur la contre-attaque. En fait, attend l'adversaire et lorsqu'il voit l'ouverture, fonce dedans. Du côté, justement, de contre Federer, a complètement changé sa tactique, a été vraiment l'attaquant sans arrêt, des premières balles en feu. Ouais. Du côté de Djokovic, ça fait du bien de et ça prend de ça voir pour ça. Ouais, ouais. Ouais, puis c'est ça que, effectivement, comme tu dis, puis je trouve que, justement, bon, ça rend la chose intéressante parce que tu dis, bon, ben, il y a autre chose. Tu sais, dans les 5-6 dernières années, il n'y avait que Federer, Nadal. Et encore là, que Federer. Avant le tournoi, on pensait il y avait Nadal, aussi Nadal. Là, mais Nadal, il faut le dire, il était blessé aussi. Mm-hmm. Sinon, on l'aurait certainement vu, en tout cas, une prédiction là, en finale. Et Djokovic est un joueur que j'aime beaucoup, très charismatique, très intéressant à voir sur le terrain aussi. Le sport, c'est le sport, mais tu sais, il y a tout le temps une partie show un peu. Je pense que Nadal aussi fait son œuvre à travers tout ça là-dedans, mais Djokovic, très intéressant, même il fait des imitations aussi de d'autres joueurs sur le terrain. Ouais, ça c'est l'an dernier au US Open. Ça s'est fait à plusieurs endroits même. Où justement il vient un peu il était venu pendant un délai de pluie. Et où il était venu amuser un peu la foule en faisant des imitations Nadal et de Maria Sharapova aussi. Donc très très très charismatique. Et ce matin, juste avant l'émission, la partie qui mettait en confrontation David Ferrer et Andy Murray s'est terminée en faveur de Murray. Ferrer qui avait... ouais, c'est ça. En Murray. Ouais. Ouais, l'an dernier. Oui, Federer Murray. Et c'est ça, avec un 4-6, 7-6, 6-1 et 7-6 en quatre manches, deux bris d'égalité. Et ça, donc, on aura une finale... Murray Djokovic. Et un Canadien qui s'est démarqué quand même. Ouais, ben c'était ma question aussi. Raonic. Ouais, Milos Raonic. Ouais. Qui s'est rendu au quatrième tour, qui a perdu contre David Ferrer en quatre manches, 4-6, 6-2, 6-3, 6-4. Il n'y a pas de honte à perdre contre David Ferrer. C'est le premier Canadien depuis 10 ans à se rendre au troisième tour, à gagner un troisième tour dans un tournoi du Grand Chelem. Le dernier qui était Daniel Nestor. Très jeune, là. Raonic, oui, là, il a 20 ans, il est né en 90. Il est Canadien, il n'est pas né au Canada, par contre. Là. Il est né en Yougoslavie, mais ça regarde bien pour lui, là, disons-le. Là. J'ai pas le chiffre, mais c'est lui qui a fait le plus de house au service. Oui, ben on dit un service extrêmement puissant de son côté. Et vraiment, écoute, je pense que ça sera pas mauvais pour notre équipe de Coupe Davis. Là. Au Canada, là, on a perdu quelques joueurs dernièrement. Ouais. Là, je veux dire, Frédéric Niemeyer aussi qui est parti. Pas qu'il était très bon, mais je veux dire, on a l'autre Canadien, écoutez, j'ai un blanc. Daniel Nestor. Non, Frank Dantsevich. Qui lui aussi, malheureusement, semble qu'il atteindra jamais son plein potentiel, comme mais on peut voir de lui. Là. Le problème avec les joueurs canadiens, c'est exactement le même problème de la discussion qu'on avait tout à l'heure au niveau des institutions. Il n'y a pas d'argent. On n'aide pas les gens à progresser. Du côté de l'État, on aide à zéro. Bon, on voit de plus en plus de jeunes qui commencent à pratiquer le tennis. Oui, non, c'est contre. Ça. Moi, j'ai le petit frère d'un de mes meilleurs amis, en fait, a fait du tennis pendant toute sa jeunesse. Et puis, à un moment donné, ben quand t'es premier au Canada, à l'âge de 14-15 ans, ben t'es forcé de t'en aller aux États-Unis pour travailler. On ne forme pas l'élite ici. Exactement. C'est puis alors, à l'époque, il y avait à peu près juste Repentigny qui avait justement un centre intéressant. Là, de plus en plus, ça commence à se développer. Il y en avait un aussi à Trois-Rivières, il n'y a pas si longtemps, puis on l'a détruit. On a fait un concessionnaire BMW par-dessus. Bon, c'est ça. Rien contre BMW. Mais non, surtout pas BMW. Donc, c'est ce qui conclut pour les hommes. On aura la finale le 30 janvier, Murray Djokovic. Du côté des femmes, une Asiatique en finale contre une... La Chinoise Nali, ouais, qui a remporté contre Caroline Wozniacki. Ouais. Ouais, en demi-finale, affrontera la Belge Clijsters. C'est demain, ce match-là. Ouais. Et tournoi junior, une petite Québécoise qui a eu un parcours quand même assez bien, qui Eugénie Bouchard, qui malheureusement, son merveilleux parcours a pris fin en demi-finale quand elle s'est repliée par deux manches identiques de 6-4 contre Monica Puig, P-U-I-G, qui était la 5e tête de série. Bouchard était pour sa part 14e tête de série. C'est le topo pour... l'Australian Open. C'est bien, j'aime beaucoup l'Australian Open parce que c'est le lancement du tennis. On commence à ça commence à ressentir l'été. En même temps que l'Australian Open, il y a le golf qui commence à sentir l'été. Mais non, tu vas-tu me laisser finir? L'Australian Open commence ici et là. Les sports d'été recommencent. Justement, le golf recommence. Golf, Tiger Woods qui a recommencé. La Ligue des Pamplemousses, c'est dans pas long. Ça s'en vient. Et la Ligue des Cactus. Oui, effectivement. T'as aussi tous les sports automobiles qui s'en viennent ici et là. Donc, qui se rapprochent tranquillement. Moi, j'aime beaucoup le Australian Open. Ben exactement pour ça, en fait. Là, parce que puis ma fête en s'en vient, puis là, le printemps va faire fondre toute la neige qui est tombée. D'ailleurs, cette année, ça sera pas très long. On va avoir il y en a pas eu beaucoup. Un beau printemps. Donc, sur ça, on s'en va en musique. On s'en va écouter Vulgaire Machin avec une chanson acoustique. Et au retour, on va parler rapidement, parce que le temps avance, de hockey junior majeur. Et en fin d'émission de la dernière demi-heure, on fait nos choix, notre poule de hockey sur le match des étoiles. Vous écoutez l'inconduite de partie sur les ondes de C'est Fou! Quand on fait un lift et ça fait ralentir les traces. Bonjour, je suis Michael Bonneval, vous écoutez l'inconduite de partie. Et vous êtes toujours à l'écoute de l'inconduite de partie sur C'est fou. Si vous voulez nous rejoindre en studio, c'est le live à commercial inconduitedepartie.com, notre site web, blog, opinion, beaucoup plus. Inconduitedepartie.com, tout simplement. Allez, on y va rapidement, messieurs, avec le hockey junior, les Cataractes qui étaient en action hier, avant-hier, du côté de l'Abitibi, du côté des mines, pour affronter les deux équipes de l'endroit. Tout d'abord, hier soir, c'est une victoire de 6-3 du côté des Cataractes. Par contre, la tâche n'a pas été facile pour le gardien Gabriel Girard, qui a tout de même fait face à 39 lancés du côté des Foreurs. Le sommaire de ce match, c'est tout d'abord Vador qui ouvre la marque, un but de Marc-Alain Bégin. Toutefois, Shawinigan ouvre la machine par ensuite. Loïc Podrier et Peter Sakaris qui vont compter deux buts. Un but à des avantages numériques du côté de Loïc Poudrier. Vador remet les pendules à l'heure avec un but de Guillaume Gélina. Mais écoutez, beaucoup de buts en première période. Mais Justin Haché et Yannick Veilleux pour son 16e de la saison qui viennent redonner l'avance au Cataract. Tous ces buts-là, là, parce qu'à ce moment-là, c'est 4-2 pour Shawinigan. Ça s'est tout fait dans les 12 premières minutes du match. Donc, les gardiens n'étaient peut-être pas, ou du moins celui de Val-d'Or, n'étaient peut-être pas à son meilleur de ce côté. On parle tout d'abord de François Tremblay du côté des Foreurs qui a accordé 3 buts sur 9 lancés, pas une grande performance de sa part. En deuxième période, Anthony Taylor vient mettre la marque 4-3 avec son but pour les Foreurs, mais en troisième période, Benjamin Cazavant et Dave Labrecque vont venir clouer le dernier clou dans le cercueil des Foreurs de Val-d'Or, partie disciplinée. Du côté des deux équipes, seulement 4 pénalités dans ce match. Un petit peu plus de pénalités, mais il y a eu une bataille entre Justin Haché et Adam Jones, mais des pénalités qui donnent des avantages numériques, seulement 4, et les Cataractes ont profité de leurs 2 opportunités, donc ce qui fait qu'ils ont c'est sûr, une performance de 100% du côté des avantages numériques, 2-2. Les 3 étoiles dans ce match, Benjamin Cazavant à la première, Dave Labrecque la deuxième et Maximilien Le Sieur la troisième. Il y avait 1605 personnes au centre R Québec. La veille, les Cataractes étaient en action. Ils affrontaient les Huskies de Rouyn-Noranda et c'était une dégelée d'un bout en bout du côté des Cataractes. On l'a emporté 10-2. Face aux Huskies. Les buts pour les Cataractes dans ce match: Cazavant, Sakaris, Giroux, Labrecque, Zlobin. Ça, c'est seulement en première, 5-0. Rouyn-Noranda va compter un de leurs 2 buts. Janetto, mais c'est suivi par Mathieu Gagnon, Justin Haché et Benjamin Cazavant et Gabriel Lemieux en deuxième période. Jessico Bernard aussi va compter du côté des Foreurs. Et en troisième période, Benjamin Cazavant, son troisième tour du chapeau pour lui. Les 3 étoiles, Dave Labrecque, Benjamin Cazavant, deuxième, et Tommy Giroux. Labrecque, dans ce cas-ci, dans ce match pour Dave Labrecque, c'est une récolte de 1 but, 4 passes, 5 points pour Labrecque. C'est dommage qu'il joue souvent un match sur 2 de son côté, parce que Labrecque a du côté de Val-d'Or, il n'y a plus rien qui marche. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Ça, c'est Rouyn-Noranda, par contre. Qu'est-ce que j'ai dit? Je t'ai dit Val-d'Or? Oui. C'était Rouyn-Noranda, je voulais dire. J'ai eu un flash de Val-d'Or à la dernière seconde. Du côté de Rouyn-Noranda, il n'y a plus rien qui marche, là. On est dans le bas du cycle, là. C'est ça. Exactement. On ne pourrait pas être plus précis. Les Cataractes ne sont pas en action ce soir. Par contre, Victoriaville vont l'être au Colisée Desjardins. Ils vont affronter Chicoutimi. Pour ce qui est de Drummondville, non plus, on n'est pas en action ce soir. Et les étoiles de la semaine du côté du circuit Courteau, c'est Gabriel Lévesque, Ben Duffy et Jean-François Bérubé. C'était rapide, parce qu'on manque de temps. On a une grosse émission, mais c'était votre rapport hockey junior majeur du Québec. Au retour de la pause, on va vous faire notre pool de hockey par rapport au match des étoiles. Et c'est tout. Je pense que ça va closer l'émission assez rapidement. On avait beaucoup de stock. Vous écoutez l'inconduite de partie sur C'est fou. C'est fou, c'est dans vos oreilles. 89. Les nouvelles sont une présentation de l'inconduite de partie.com. Chronique, opinion et beaucoup plus. Tout d'abord, dans la LHGMQ, les Cataractes de Shawinigan ont remporté leur 1400e gain hier contre les Foreurs de Val-d'Or par un pointage de 6-3. Seuls les Maniacs de Lewiston ont plus de victoires que Shawinigan avec 1440 gains. Du côté de l'Île-du-Prince-Édouard, le junior de Montréal a emporté 3-2 en fusillade contre le Rocket. C'est la première victoire du junior dans leur séjour de 4 parties dans les Maritimes. Et les Saguenayens de Chicoutimi l'ont emporté 1-0 contre les Olympiques de Gatineau au Centre-Robert-Gartin. C'est en bloquant les 25 tirs dirigés vers lui que le que Christopher Gibson a mérité son jeu blanc. Au football, en prévision du Super Bowl, on pourrait assister à un record d'assistance au Cowboy Stadium avec 105 000 personnes qui sont attendues pour le grand match. Le record est présentement de 103 985 personnes au Rose Bowl en 1980. Dans la Ligue canadienne de football, Mark Trestman est finaliste pour le titre de meilleur entraîneur de l'année 2010. Il est dans la course face à Jim Barker des Argonauts de Toronto et Ken Miller des Rough Riders de la Saskatchewan. Au tennis, Djokovic passe en finale en éliminant Roger Federer en demi-finale en 3 manches de 7-6, 7-5 et 6-4. Il affrontera Andy Murray qui a vaincu David Ferrer en 4 manches de 4-6, 7-6, 6-1 et 7-6. Dans la Ligue nationale de hockey, les Capitals de Washington ont accordé une prolongation de contrat de 1 an à Alexander Semin. Le Russe touchera 6,7 millions pour la prochaine saison. Ce sera sa 7e saison avec les Capitals. Et à New York, l'attaquant Matt Molson et les Islanders ont conclu une entente de 3 ans d'une valeur de 9,4 millions de dollars américains. Molson a amassé 29 points à sa 2e saison avec les Islanders. Et finalement, au hockey universitaire, les Patriots affrontent ce soir les Ravens de Carleton à Ottawa et la partie est diffusée sur SSN Canada. C'était vos informations sportives de lesconduitesdeparties.com. N'hésitez pas à nous visiter sur Facebook. Et vous êtes toujours à l'écoute de l'inconduite de partie sur C'est Ton Fou. Ton choix de thème musical est magistral. Écoute, j'ai des petits frissons, là. Bijoux pour les oreilles. Kiching, blaze, chior. On y va tout de suite, parce qu'il ne reste que 20 minutes à l'émission. On va faire nos choix. Marc-André. Oui. Antoine. Je pense qu'au mois d'avril, on va être correct. Ouais. Je pense que tu vas l'avoir. Tu vas avoir assimilé que c'est Marc-Antoine. Mais surprenez-vous pas si en septembre on recommence puis qu'on va avoir Marc-André à la co-animation. J'en doute fortement que je vais m'habituer. Bon. Là, on a Nicolas. Oui, tu peux m'appeler Gilles aussi. Qui si est tu veux. Présentement Eric Stahl. Oui, je suis Eric Stahl. Le repêchage. Bonjour. Ça va bien? Tes assistants, Ryan Kessler et Mike Green. Oui, hey, parce que là, je me fais avoir ces assistants, par exemple, là-dessus, là. En tout cas, continue là, ouais, je vais expliquer aux gens qu'est-ce qu'on va faire. Ce soir, c'est la nouvelle formule du match des étoiles. Ouais. C'est plus du repêchage des étoiles. C'est plus Est contre Ouest. C'est plutôt deux capitaines. Clarence Campbell contre Prince de Galles. Oui. Et ou Amérique du Nord contre le monde. Ouais. Et ou d'autres formations. Ou c'est ça. Les champions de la Coupe Stanley contre une équipe d'étoiles nationale aussi. C'est plutôt deux capitaines, Eric Stahl et Lidstrom, qui choisiront leurs joueurs. Les assistants sont déjà choisis. C'est pour ça que je disais déjà que Nicolas alias Stahl était avec Ryan Kessler et Mike Green. Et Philippe alias Niklas Lidstrom est accompagné de Patrick Kane et Martin Saint-Louis. Des assistants incroyables. Ben oui, comment ça, quel moi je me retrouve. Bon choix. Pourquoi Stahl a été chercher Green puis Kessler? Je veux dire Kessler. C'est pas Martin Saint-Louis, là. Je me fais avoir. Ben, moi, j'ai le feeling qu'il pouvait pas prendre n'importe qui dans le lot. Il devait avoir des. Parce que tu prends pas Kessler comme assistant quand t'as les deux Cédine dans l'alignement possible. Tu sais, je veux dire. Là, on va procéder au repêchage. Oui. Bon. Ça avance, ça. Les règlements. Les règlements. Bon. On peut choisir n'importe qui. Par contre. Les défenseurs doivent être choisis avant le 15e tour et les gardiens doivent être choisis avant le 10e tour. Donc, on peut aller chercher un joueur vedette quand même, un attaquant, dès les premiers tours. Mais il faut respecter la limite pour les défenseurs et les gardiens. Parfait. Là, on va procéder à un petit pile ou face hors studio. On va y aller, Philippe, ton choix. Pile. Ça veut dire que c'est moi qui étais à domicile, c'est ça? Effectivement. Je vais y aller avec face. Okay. Ben, forcément, t'es Eric Stahl, petit gars. Oui, c'est bon. On va lancer. Oui, ça se déroule en Caroline. On va lancer la scène. Et nous avons un face. Oh, ouais! Donc, Nicolas qui procédera avec son premier choix. D'accord. Alors, c'est sans grande surprise que l'équipe Stahl est fière de sélectionner M. Steven Stamkos. Oh! Le gros joueur vedette, Steven Stamkos. Tu me scrapes mon pairage, mon premier trio. Là. Et en passant, aussi, on ne fait pas ça pour rien. Lundi à l'émission, chaque joueur, un point, une passe, fait un point. Si un gardien se fait rentrer un but, on enlève un point. On enlève un point. Donc, pas de point pour les... lundi avec... Pas de point pour les batailles. Donc, ton choix, Philippe? Ben, écoute, justement, comme je viens de me faire voler Steven Stamkos pour pairer mon premier trio, je vais aller avec un gros ailier. et prendre Alexander Ovechkin. Oh, Ovechkin. Bon, les deux joueurs vedettes, on s'en attendait un peu que c'était Stamkos et Ovechkin. Je suis content qu'ils prennent Ovechkin parce que dans un match des étoiles, Ovechkin va être tenté de jouer tout seul encore plus et il va se faire arrêter aisément. Il n'en est pas question. Ah, il y en est très question, écoute. De mon côté, je vais y aller avec nul autre que Jonathan Toews. Tu fais quoi, toi? Pourquoi tu scrapes mon pairage sans arrêt? Moi, je demande un recomptage, un repilage, un refaçage, en tout cas, un retirage au sort. Choisis donc ton joueur. Je vais y aller avec Henrik Sedin. Oh, Henrik. Le premier frère Sedin. Les frères Sedin seront séparés? C'est ce qu'on va bientôt savoir. Je vais y aller avec mon premier défenseur. Écoute, je vais y aller avec le produit québécois. Parce que j'ai l'impression qu'il peut avoir... Non! Je vais prendre mon frère, Mark Stahl. Je veux mon frère de mon côté. Tu choisis bien trop haut. Je sais. Non, mais c'est un match des étoiles. Ça, c'est comme prendre le Canadien. C'est comme prendre les joueurs du Canadien dans ton pot. T'es surestimé toujours. Je sais, mais je veux pas que tu me sépares de mon frère. Là, je vais compléter mon pairage. Fait que je vais y aller avec Daniel. Ah, tu y vas avec l'autre Daniel Sedin. Ben oui, là, faut au moins que je complète un pairage. Alors, je vais y aller avec mon gardien. Premier gardien. Végédine. Carey. Price. Bon, parfait. Price. Un autre overshoot. Je vais serrer, je vais faire un... Oui, un petit bras croisé. Un petit bras croisé en te regardant. Ben moi, je vais te peinturer tout mon casque en noir avec les grilles dorées et je vais y aller pour Jonas Heller, donc également mon premier gardien de but. Oh, Jonas Heller. Ouais, en passant, j'ai eu un commentaire d'une auditrice et Stahl. En tout cas. C'est pas un bon choix. Je voulais à mon frère, c'est un choix personnel. Pas fort. Ah, qu'avais-tu? Hey, je reste dans les gardiens et je suis content que tu l'aies pas pris. Henrik Lundqvist va se joindre à mon équipe. Lundqvist qui est le pain et le beurre des Rangers de New York en ce moment. Je vais prendre mon premier défenseur, peut-être un peu à la surprise générale, mais c'est un joueur que j'ai tellement apprécié dans les séries l'an dernier et que j'aime encore énormément à Atlanta cette année. Dustin. Le gros Dustin Byfuglien. Oui. Mais écoute, Philippe, je pense pas que c'est un bon choix du fait que Byfuglien joue... C'est un jeu qui est physique. Oui, mais il faut penser également, Nick, au concours d'habileté. Oui. Oh, mais moi, je m'en fous. Il compte pas dans notre pool. Ah, ben moi, je pense qu'il faudrait faire compter, mais en tout cas... Non. Non. Mais non, parce que sinon, je prendrais Zedno Chara, puis ça serait fait. Je me plains. T'en plains, toi, autant que tu veux. Bon, on continue, les gars. Dépose un grief. C'est pas juste... C'est à moi à faire mon choix, vu que j'avais eu face. Je prendrais pas Jeff Skinner tout de suite, ça serait pas un bon choix là. Tôt comme ça dans la partie. Mais je vais y aller avec la jeunesse parce que je me dis que les jeunes peuvent être plus motivés dans ce match-là qu'un vétéran et il évolue pour les Flyers de Philadelphie. J'y vais avec Claude Giroux. Oh, qui pourrait causer une surprise. Le jeune Ontarien. Ça fait des choix bizarres. Toi. Mais bon, écoute, ça me prend un centre. Pour aller sur ma première ligne avec Saint-Louis et Ovechkin. Et puis, c'est un joueur que j'aime beaucoup, voir évoluer. Philippe, t'as-tu des gardiens, toi? Ouais, je vais avoir le temps. On va avoir le temps de les choisir. C'est le sixième round, il m'en reste deux à choisir. Il faut que ça soit choisi avant le 10. Moi, je sais pas comment tu comptes, mais j'ai le temps de me rendre. C'est la 8, c'est la 9e round. Non. Non. Non, non. Non? Là, t'es en train de compter. Ah, oui, ok, c'est bon, c'est correct. Un peu de discipline ici, ce serait apprécié. Comme on dit, je vais mettre un petit espace dans mon fichier Excel. C'est ça. Moi, je vais y aller avec Andy Kopitar. Ok, bon choix. Pour finir mon trio de Martin Saint-Louis et Ovechkin. Je vais liker ton choix. Génial. On retourne en défense du côté de l'équipe Stahl. On va y aller avec. Tu sais, chez Weber, je ne sais pas dans un match comme ça. C'est un choix intéressant. Dan Boyle va être un autre choix intéressant. Chris Letang, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, de ton côté, Chris Letang. Ben, oui, effectivement. Mais en tout cas, je te donnerai pas mes hints. Non, mais on discute. Non, pour discuter, pas le temps de discuter. Oui, mais non, on a du temps quand même. Écoute... Chris Letang, c'est son année. Avec le départ de Gonchar, on se demandait justement est-ce que Letang va pouvoir être le capitaine à la ligne bleue du côté des Pingouins. On est allé chercher Paul Martin, on est allé chercher Goligoski également pour compléter un peu la défensive du côté des Pingouins. Et Chris Letang a fait le travail et est devenu le corps arrière à la défensive du côté des Pingouins de Pittsburgh. C'est assurément un bon choix. Il me fait penser aux belles années d'André Markov, justement, où passeur, marqueur, défensivement, excellent. Donc, oui, c'est un bon choix. Puis en plus... jeune, il va vouloir tout donner. Les mains, ça, des ouais. mains, des mains très talentueuses. Donc, pour le concours d'habileté aussi, c'est un bon choix. Je pense que c'est son premier match des étoiles. Donc, j'expliquais tantôt Claude Giroux que je disais qu'il pourrait être motivé par ça. Pour le temps, je pense que ça va être la même chose. Et c'est pourquoi je vais y aller avec Christopher Le Temps. Pas pire choix. Mais écoute, moi, je vais poursuivre dans la lignée. J'en parlais l'an dernier que je l'ai beaucoup aimé à Chicago. A fait un beau pairage, justement, avec mon prochain choix. Duncan Keith, je crois, selon moi, va bien compléter mon gros Bufflin à la défensive. Ah, excellent choix. J'ai pas peur. Ouais, je regrette un peu, là. J'avais pas vu le mot. Valeur, hein, en plus, il est juste à côté dans nos, ben dans oui, nos sélections. J'avais pas vu le mot Keith dans ma liste. Quel était ton choix avant Keith? Mon choix avant Keith, c'était Andy Kopitar. Andy Kopitar. Alors, on va suivre un peu. C'est beau. Non, c'est que je voulais faire une récapitulation. On récapitule pour l'équipe Niklas Lidström, dirigée par Philippe Doucet. On a bien sûr M. Lidström, Patrick Kane et Martin Saint-Louis, qui sont les deux assistants de l'équipe Lidström. En attaque, on aura Alexander Ovechkin, les Francis Dean, qu'on n'a pas séparés, Jonas Eller dans les filets, Dustin Bufflin, Duncan Keith et Andy Kopitar du côté de l'équipe Stahl, dirigée par Nicolas Ducharme, la voix que vous entendez, la douce voix. Stahl, bien sûr, Ryan Kessler et Mike Green, ces deux assistants qui sont beaucoup moins bons que Kane et Saint-Louis. On va retrouver aussi, pour compléter l'équipe jusqu'à date, Steven Stamkos, Jonathan Toews, Mark Stahl, il a été pour le choix familial, Carey Price, Henrik Lundqvist, Claude Giroux et Christopher Le Temps. J'espère que t'es gêné de tes choix. Non. Sérieusement, t'es à domicile. En plus, moi, si j'étais un fan des Hurricanes, je te pitche des savates, hein? J'ai pas pris Patrick Elias, c'est déjà ça. Non, attends, ça s'en vient. C'est à ton tour, continue. C'est à si mon tour. Et on va sélectionner du côté des Stars de Dallas, M. Brad Richards. Écoute, ça, c'est un bon choix. C'était ma sélection pour pivoter mon centre au niveau de mon troisième trio. Tu me dis que t'es pas fier de mes choix, mais quand même, ça fait combien de fois que tu dis la phrase suivante? Tu m'as volé le joueur que je voulais. Ah non, mais attends, tes deux premiers choix, c'était les choix logiques et faciles, là. Puis lui, c'était, ouais, oui, c'était le choix qui s'en venait. Mes gardiens, c'est bon aussi, mes gardiens? Ouais, c'est pas débile, mais moi, je vais continuer du côté des gardiens. Oui, ben oui, t'as pas vraiment le choix. Non, en effet, ben, en fait, il me reste encore un choix loose, comme on dit, mais je vais prendre Marc-André Fleury. Oh. Ouais. Du côté des gardiens de but, Fleury aussi, qui a été le vote général du public. Très belle année également de son côté. A tenu dans la séquence justement là, des Pingouins où on a enligné 12 victoires consécutives. À certains moments dans les matchs, là, si je me trompe pas, là, 3-4 matchs parmi cette séquence-là a vraiment permis aux Pingouins de poursuivre cette séquence. Donc, bon choix, Phil. Franchement, là, tu m'impressionnes. T'es vraiment en train de te bon, visiter, tu m'impressionnes. Là. OK. Je vais y aller avec un défenseur. J'hésite entre Chara et Weber. Oh, tu y vas pour la puissance, hein? C'est clairement ça, là. En fait, il va pour le lancer le plus rapide. Chara, de son côté, c'est un gros bonhomme et je me demande tout le temps qu'est-ce que ça va donner dans un match où est-ce qu'il n'y a pas de contact. Il contraste toujours également au match des étoiles un peu, Chara. Il a toujours l'air de d'être gros. Tu sais, il a l'air du grand 17 ans qui joue avec les petits 12 ans. Ouais. Tu sais, c'est à la glace, pente. Faut pas oublier, c'est un jeu rapide. Ouais, c'est ça, c'est un jeu rapide. Attends, et il est capable de patiner, Chara. Ouais. Je suis très, très bien. Et c'est pourquoi je vais y aller avec Shea Weber. Bon choix. Moi, écoute, je suis déçu de voir que le défenseur canadien du côté des Kings de Los Angeles qui avait participé au tournoi canadien, Drew Doughty, soit pas dans la sélection. Ça aurait été intéressant. En fait, ça aurait été mon choix. Mais comme il me reste un choix, justement, là, avant d'être obligé de prendre mon autre gardien, je vais y aller avec mon centre sur le troisième trio. On y va avec la jeunesse. Et j'ai nommé Paul Stastny. Qui a été récemment ajouté à l'équipe. Je dois maintenant choisir un gardien. Oui, Cam Ward, Tim Thomas. Tim Thomas, dans le passé, on le voit à ces matchs-là, s'amuse beaucoup et peut-être un peu trop. Ça serait mon choix, mais c'est ce qui me fait hésiter du fait qu'il n'est pas tout à fait focus à travers tout ça. Et c'est la raison pourquoi je vais y aller avec le hometown boy, m'en prendre Cam Ward. Écoute, là, tu me déchires le cœur. Tu me forces à prendre Timothée. À prendre un joueur des Bruins. je vais donc pas le sélectionner et me le faire donner d'office. OK. OK? C'est bon. Bon. Timothée. Profite des règlements. Puis, en général, là, les coachs font gauler une période par joueur, par gardien. Ouais. Oubliez ça, hein, Thomas. Vois pas à glace. Non? Ah non, non, non. Ah, dans ton cas? Excuse, mais tu joues pas. Ah non, écoute, habille-toi pas à soir, Tim, hein? Timothée, dans les douches! Je vais y aller avec le talentueux Matt Duchesne. Bon choix. Pourquoi je dis bon choix? C'est pas bon choix pantoute. C'est mon adversaire, mais non. Mais là, bon choix. Très, très bon choix, en effet. OK, ouais. T'as pas fait ton choix de gardien, tu te faisais donner d'office, t'as ben, fait le choix d'autre joueur. Oui, je l'ai fait. Il se retrouve avec Thomas, okay. Selon les règlements. Je pensais qu'il profitait d'un règlement. C'est le fun, tu comprends vite. Tu comprends vite, mais il faut te l'expliquer longtemps. Non, ouais, c'est ça. C'est le carnaval. C'est le carnaval. Bon. Okay. Donc, on avance, monsieur. Oui, oui, oui. En défensive, pour compléter un peu là, mon pairage. Du côté de Niklas Lidström, en fait, je vais y aller encore avec un peu l'expérience. Je vais prendre Dan Boyle, du côté des Sharks. Bon choix. Boyle, Lidström, qui sont des joueurs qui s'affrontent quand même assez régulièrement, qui se connaissent bien. D'après moi, c'est un bon pairage pour la première ligne de défensive. J'ai présentement trois défenseurs, donc je vais en choisir un quatrième. Et je vais y aller avec le gros Zdeno Chara. Écoute, je lance les dés. Peut-être qu'il va avoir un bon match, peut-être pas non plus. Non, mais écoute, c'est parfait. Il n'y a aucune chance que je prenne un autre joueur des Bruins. Ouais, c'est correct. Donc, ça fait parfaitement mon affaire. Également, je vais poursuivre en défensive. Je vais y aller avec Keith Yandle. Le joueur, l'ancien des Wildcats de Moncton. Effectivement. J'étais juste un petit peu à côté de mon micro. Oui, c'est correct. On m'avait entendu, oui. Je vais y aller maintenant avec un attaquant. Il me semble que ça commence à diminuer, hein? Ben Rick Nash. Je pense que Rick Nash peut avoir un bon match à travers tout ça. Tout dépendant avec qui il va évoluer. C'est sûr qu'on fait des équipes présentement, mais ça ne sera pas les vrais pairages sur le glace. Non, c'est ça, en effet. Je dois compléter mon troisième trio là, avec Paul Stachny. Et puis, je regarde ce qui reste. Je me dis, je vais me faire un kid line. Puis je vais y aller pour te voler Jeff Skinner. Oh! Moi, tant que je finis pas avec Elias, je suis heureux. Hein? Ouais, je pense que ça va être le dernier choisi. Quoi que Bacchus, tout dépendant. OK. On est maintenant à la... Quelle ronde qu'on est? On est à la 13e ronde. 13e ronde. Ouais. Donc, deux rondes avant le dernier choix des défenseurs. Donc, il en reste deux défenseurs. Ben écoute, il reste deux défenseurs, un chaque. Burns, Eric. Carlson. Un chaque, si je ne me trompe pas. Oui. Je vais attendre. Je vais choisir. Ouais, moi, tout, écoute, je regarde ça, puis je fais, avec qui j'y vais. Kessel, c'est jamais sûr. Hein, tu sais, c'est. Danny Brière, je trouve qu'il a l'air d'un petit vampire, j'aime pas ça. Avlat. Je pense qu'Avlat peut avoir un match intéressant. C'est un marchand, il est rapide. Oui, puis il connaît quand même toujours des belles séquences justement dans ce genre de concours d'habileté, de spectacle. Donc, bon petit choix de ton côté. Je vais poursuivre peut-être justement dans mon aile jeunesse sans nécessairement prendre un gars qui est fraîchement arrivé. Mais je vais lui faire plaisir. Puis, attends un peu, toi, je viens de te voir. Écoute, j'y allais avec... Corey Perry. Mais là, je viens de voir Louis Erickson. Oh, et je me dis, oh, away donc, un petit Erickson. Compléter mon kid line, on va amener un peu de un petit peu plus d'âge, mais quand même. Donc, là, de mon côté, avec tu continues à dire n'importe quoi, je vais y aller avec... J'ai l'impression qu'Eric Carlson va être impressionné par le match des étoiles et tout ça, donc je vais y aller avec la sagesse Brent Burns. Oui. Et c'est ton dernier choix pour les défenseurs. Donc t'es pogné avec Eric. Oh oui, j'ai pas de problème. Je suis obligé de le prendre tout de suite. Hein? Oui. Il me reste une ronde. Ça, c'est la 14e. Donc, je peux encore. Il m'est donné d'office à la prochaine ronde. Donc, il faut tout vous expliquer, vous autres. Ça n'a pas de sens. Ben, écoute, là, je vais y aller avec Corey Perry. De mon côté, pour l'équipe du Charme Incorporé, je vais choisir. Ouais, Brière. Ça donne bien, on voulait pas. Ouais, c'est. Il joue avec les Flyers. Dans l'attaquant, il reste pas trop tard. C'est quand Jean Béliveau vient te chercher à l'aéroport, puis tu y craches dans les pieds. Donc, Philippe. Eric Carlson, en effet. En effet. Je vais continuer de mon côté. Je vais y aller avec Patrick Sharp. OK. Il reste Elias Kessel et David Backes. Qui sera le dernier choisi? Écoute, moi, j'y vais pour David Backes. Non! C'est un joueur qui m'a qui me sauve en ce moment dans mon pool. Donc, j'y vais avec ça. Et de mon côté... Phil Kessel. J'haïs Phil Kessel. Patrick Elias, je l'aime profondément. J'haïs profondément. Je dois choisir entre le Maple Leaf et l'ancien porteur d'hépatite. Nicolas, s'il vous plaît. Ouais, ça sera pas une facile, ça. Écoutez, à la maison, vous m'entendez hésiter, là. Ben écoute, moi, si ça peut te rassurer, là, il y a aucune chance que je prenne Phil Kessel. Okay? Mais comme le prochain choix, c'est pas moi qui le fais, en fait, donc ouais, tu fais également mon prochain choix, ouais. J'en ai un peu rien à foutre, mais je déteste Phil Kessel. Il va aller, écoute, il va servir du coke avec. Je t'échangerais mon choix contre deux paires de bâtons. Ouais. ouais, c'est pas payé, ça. C'est pas payé, ça. Je suis partant. De toute façon, on fait ça pour s'amuser. Je vais y aller avec Kessel. Donc, le négligé, Patrick Elias, pourrait peut-être... Je suis curieux de voir qui va vraiment sortir en dernière position. Je pense que ça risque d'être à peu près ça entre Elias, Perry, Kessel, qui va... Kessel, en fait, est au match des étoiles juste parce que ça prenait un représentant des livres. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'affaire Elias, là. Elias. Même chose du côté d'Elias. J'ai l'impression que Brière va sortir un petit peu plus tôt, par contre, que votre... Peut-être. Que Nicolas trouve que c'est un vampire. Il a l'air d'un petit vampire. Il est tout blême. Ben moi, il n'y avait aucune chance de le choisir. Pas de l'air en santé. Donc, c'est ce qui conclut notre pool de hockey pour ce matin. On va vous donner tous les résultats. On affichera également là, les formations sur le blog de l'inconduite de partie. Ouais. Question de pouvoir comparer là, plus aisément nos sélections. Récapitulation très rapidement, on n'a plus de temps. L'équipe Lidstrom, dirigée par Philippe, c'est Lidstrom, bien sûr, Kane, Saint-Louis, Ovechkin, Sidden, Heller, Bufflin, Keith, Kopitar, Fleury, Stachny, Thomas, Boyle, Yandel, Skinner, Erickson, Perry, Carson, Backes et Elias. Du côté de l'équipe Stahl, dirigée par Nicolas Duchamp, Stahl, Kessler, Mike Green, Stamkos, Taus, Mark Stahl, Price, Lundqvist, Giroux, Le Temps, Richards, Weber, Ward, Duchesne, Chara, Nash, Avlat, Burns, Brière, Sharp et des Maple Leafs de Toronto, Phil Kessel. J'ai la très ferme intuition que je vais te sacrer une volée. On va voir ça lundi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine. C'est ce qui conclut les conduites de partie. Hey, on n'a pas parlé du Pro Bowl. Je vais faire comme si j'étais déçu. N'hésitez pas à nous visiter conduitesdepartie.com. Bonne fin de semaine tout le monde.